ça va, Valentin? Bah écoute, ça va et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ce lundi, encore une fois, bien déprimant, mais on prend sur soi. Hein. T'as l'air de bien déprimé, je réécoutais le dernier, à chaque fois tu me parles de déprimé. Ouais, c'est un. L'hiver parisien me pèse énormément, ouais. Quoi. Mais en plus, pour ma défense, je ne suis pas juste qu'un connard misérabiliste. Aujourd'hui, au boulot, j'ai un collègue qui s'est fait agresser. Ah ouais? Une petite pensée pour lui, ouais. Il y a trois mecs qui lui sont tombés dessus. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trois mecs qui sont tombés dessus sans raison valable. Alors pour le dépouiller, quoi. Ouais, pour le dépouiller, en gros, c'est ouais. Ça. Alors que le mec était en train de taffer. Rien de grave, hein, il s'est pris quelques coups, mais rien de grave du tout. Mais ça fait chier, quoi. Le mec a rien demandé, il taffe. Ouais, non, c'est clair. Pour un boulot qui est payé aux lance-pierres, et en plus, il se prend des pains dans la gueule. Donc, c'est un petit peu dur, quand même, quoi. Ok, bon bah bonne vibe pour commencer. Absolument, très bonne vibe, ouais. Pour commencer le podcast. Alors ouais, on s'était dit juste avant là qu'on allait faire un peu un truc vite fait carré, en donnant quelques infos, quelques liens sur le podcast parce qu'on. Voilà, on est présent sur Internet, hein, donc ouais. Faut signaler. Donc déjà, il s'appelle comment le podcast, Antoine? Des podcasts. Alors pour information, pour ceux qui nous suivent, si vous vous demandez, le podcast s'appelle Des Points sur la Table. Voilà, Les Points sur la Table, on est au quatrième épisode. Quatrième épisode officiel. Pour retrouver toutes les infos, hein, c'est quoi? C'est PSLT-6 podcast.tumblr.com. Il y a tous les liens des podcasts, il y a d'autres liens sur plein de choses, quoi. Sur Tumblr, on partage tout. À l'occasion, on poste des vieux combats qui sont super cool, de toutes disciplines confondues, donc allez y faire un tour. Voilà, et on a également tout le reste, ça va être sur Twitter, comment on appelle ça, c'est une épingle, comment le nom hashtag, enfin, arrobase là, at PSLT, -du 8, podcast, underscore, at PSLT, underscore, podcast sur Twitter, voilà, on a fait le tour, c'était le truc important qu'on dit jamais, ah oui, et l'adresse mail, si jamais vous voulez envoyer un mail, mais plus jamais, enfin, plus personne fait ça, je crois, c'est point sur la table, @gmail.com, point au pluriel, point sur la table, @gmail.com. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on sera absolument ravi d'y répondre. On aime beaucoup l'interaction, quoi. On serait curieux d'avoir quelques retours sur. On sentira moins seul sur notre modeste podcast. Donc n'hésitez pas. Ouais. Alors de quoi on va parler aujourd'hui, Antoine? Alors d'agression physique. D'agression. sur des gens innocents. Alors tu t'es déjà fait agresser? Comment tu le vis? Parle-moi un peu de tout ça. Ouais. Restons concentrés sur la positivité, quoi. Sachant que sur le dernier podcast, on avait vachement parlé de moi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On avait dit qu'on pourrait éventuellement vachement parler de toi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, après tout, quoi. Ouais, très bien. Est-ce que. Alors, encore une fois, on a déjà un peu abordé le sujet et tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de juger, parce qu'on a commencé à vraiment être potes au moment où le sport avait déjà une certaine importance dans notre vie. Donc, je ne peux pas vraiment faire de différence, genre, sur d'avant, après. Mmh. Mais est-ce que. Avec parce que encore une fois quand je t'ai connu, il y a eu un certain changement de mode de vie où tu t'es mis à avoir un mode de vie un peu plus sain, on va dire, quoi. Ouais. Où t'as perdu vachement de poids, ça c'était le truc dans le groupe, c'était genre putain, vous avez vu Valentin comment il a perdu et tout machin, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Est-ce qu'il y a eu un truc un peu marquant, ou c'était juste une prise de décision? Il y a un truc marquant, c'est quand j'ai arrêté la clope. Mm-hmm. Par rapport à toi, ton parcours, ton gros parcours introspectif dont on a parlé la dernière torturé. Fois, c'est moins torturé, c'est moins, on va dire, moins dramatique la démarche. Mais ouais, en fait, c'est venu de ça. Donc, pour faire une sorte de, comment dire, de dessin général, pour mettre les choses dans leur contexte. Donc ouais, on va dire que j'ai toujours eu un mode de vie un peu en mode laisser aller, on va dire, quoi. Ouais. Où en gros je me souciais pas spécialement de manger sainement ou quoi que ce soit, ou de faire du sport. J'ai jamais fait de sport. Enfin, quand j'étais gamin, je faisais quoi? Je faisais on m'a inscrit au judo quand j'avais 8 ans. On m'a inscrit à tous les sports que tout le monde fait quand on est gamin, quoi. Yes. J'ai fait ça. J'ai fait du VTT. Du VTT en club. Ça existe, du VTT en club? Ouais, tu sors faire des tours en vélo et tu fais des descentes, quoi. Ok. Mais bon, moi j'ai jamais considéré ça comme du sport, et je pense que tu peux demander à des potes justement qui me connaissaient de l'école, quoi. J'ai jamais aimé le sport, quoi. J'étais le gars qui était vraiment un gros flemmard, qui faisait aucun effort, quoi. Et mais donc je faisais quand même des trucs sportifs, mais sans le considérer comme un truc sportif, quoi. C'était une activité comme jouer aux jeux vidéo, sauf que c'était dehors, quoi. Et donc voilà. Et on va dire que après mes études, il y a eu une bonne période où on s'est un peu rencontrés dans le même contexte, tout ce qui était musique, avec tous les groupes où ça jouait vachement. Et donc forcément, t'as un mode de vie où tu sors, tu vas boire, tu vas faire la fête, tu dors à n'importe quelle heure. Enfin, je me souviens, il y avait une période où je devais me coucher le matin, quoi, et me lever en pleine journée. Enfin, aucun rythme. Et en plus, c'était une période où j'avais suffisamment de groupes différents et d'activités pour pas avoir non plus l'impression de rien foutre, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un truc qui se passait, une tournée, un concert, une répète, un truc, un disque à enregistrer, enfin. Donc, je faisais pas grand-chose, mais tout en restant relativement actif, en ayant une vie sociale quand même, voilà, assez active. Et donc, le déclencheur de tout ça, je pense que c'est, au bout d'un moment, bah déjà, j'ai pris un taf, quoi, avec un rythme plus classique, quoi. Et à un moment, j'avais vraiment envie de trouver quelque chose, un élément que je pourrais entre guillemets contrôler, quoi. C'était genre la clope. Je me suis dit, tout le monde, tous les mecs qui fument, la plupart en tout cas, se disent ça sert à rien de fumer, quoi. Genre tu sais très bien que ça sert à rien, mais tu fumes quand même. T'es là, je suis con, je fume des clopes, mais tu les fumes quand même. Et je me suis dit ouais, franchement, je vais arrêter, quoi. Sauf que je l'ai pas fait de manière drastique comme certains le font, dire allez du jour au lendemain je vais le faire. Je l'ai fait un peu lentement, quoi, progressivement, à me dire tiens, comment ça fonctionne concrètement, enfin pas scientifiquement mais presque, genre c'est quoi le mécanisme en fait de la clope, qu'est-ce qui fait que t'es, voilà, pour comprendre un peu ce qui allait se passer après. Et donc j'ai fait ça, donc j'ai lu vite fait. Alors si vous avez des sources meilleures que les miennes, peut-être que j'ai des conneries, mais dans ce que j'ai lu, c'est qu'en gros apparemment l'addiction physique, ça dure 3-4 jours. Après c'est psychologique, ça dépend quel type de fumeur t'es. C'est un fumeur tu fumes par habitude ou tu fumes, enfin ça dépend. Bref, je me suis un peu documenté vite fait, j'ai arrêté la clope et ça s'est fait assez facilement au final. Et c'est à partir de là en fait justement que le sport est rentré plus dans ma vie. Parce qu'en parallèle, un peu avant d'arrêter de fumer, j'allais déjà au taf un peu en vélo, mais pas tout le temps. De temps en temps, je faisais le trajet en vélo. Mais quand j'ai arrêté la clope, je me suis dit ok, ça va déjà être pas évident d'arrêter un truc. Et j'avais pas envie de me prendre la tête derrière à contrôler autre chose, tu vois, genre, parce que tu te dis, enfin, souvent quand t'arrêtes la clope, c'est quoi, tu vas bouffer, tu vas prendre du poids, et j'avais pas forcément envie de perdre du poids, franchement, je me posais pas la question de perdre du poids, mais j'avais pas envie d'en prendre, quoi. Mais j'avais pas non plus envie de me prendre la tête, en plus de gérer la clope, à gérer ma bouffe, comment j'allais bouffer correctement et tout, je voulais pas faire spécialement gaffe à ça. Je faisais gaffe naturellement, mais je voulais pas avoir ça en tête, quoi. Donc je me suis dit, par rapport à ce que je fais déjà, qu'est-ce que je pourrais faire pour contrebalancer le truc. Et je me suis donc mis à faire plus souvent les trajets au taf en vélo et tout. Et en fait, ça s'est fait vraiment en cercle vertueux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, t'arrêtes de fumer, t'as un meilleur souffle et tout, et tu te rends compte, tu peux te rendre compte des résultats tout de suite. C'est-à-dire que mon trajet quotidien, bah, y avait des portions du trajet qui étaient systématiquement une galère, mais que je faisais quand même. Et puis après, au bout de 2-3 mois, tu te rends compte, la même section, c'est rien du tout, quoi. Tu respires même pas plus fort. Enfin, je caricature un peu le truc, mais c'était vraiment la preuve tout de suite de... Enfin... ça me récompensait du truc, quoi, parce que je me rendais compte que bah il y avait une amélioration, une vraie amélioration. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, j'ai toujours été hyper mauvais en course, quoi, genre courir, moi franchement, sans mentir, je pense que courir 2 minutes sans m'arrêter, c'était genre c'est pas tellement que c'était dur, mais ça me saoulait, quoi. Je supportais pas, et puis même c'était dur, quoi. Ça nous fait un point commun, ouais. Ouais, enfin ça nous faisait un point commun, ouais. Enfin, je me souviens que, tu vois, genre des trucs à la con, mais quand j'ai une fois je devais choper un train, quoi, genre il y a des années, hein. Courir pour choper le train, j'ai couru pour choper le train et je suis resté essoufflé pendant je sais pas combien de temps dans le train. J'étais putain, mais c'est chaud quand même. Et donc bref, et donc quand j'ai arrêté la club et que j'ai constaté que ça allait un peu mieux et tout sur mon trajet en vélo, je me suis dit tiens, je vais tester de courir, quoi, pour voir si je suis capable de mieux. Et effectivement, j'étais capable de mieux, je me suis rendu compte que je pouvais courir, etc. Et donc tout ça, sans vraiment m'en rendre compte, ça a créé cette sorte de cercle vertueux, et où dans un moment, bah, je me suis rendu compte que avoir une activité physique régulière, c'est un truc qui me faisait du bien, quoi, tout simplement. Donc moi, c'est venu comme ça, tu vois, ça n'a pas été un truc, tu vois, une grosse remise en question, où je ne me suis pas décidé à faire un truc. C'est juste que ça s'est fait un peu par la force des choses. Et après, j'ai rajouté des petits éléments au fur et à mesure. Donc, j'ai rajouté là les arts martiaux, karaté, judo et tout. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est venu de là, moi, mon parcours, pour faire simple. C'est venu de cette décision d'arrêter la clope et de me rendre compte que c'était pas une mauvaise chose, quoi. Et est-ce que, maté, quand t'as commencé à mater du MMA, quand t'as commencé à mater Ultimate Fighter, ça a joué ou pas ? Bah ça fait partie du cercle vertueux. Après ça m'a pas ça a dû jouer, ouais, ça a dû jouer dans le sens où tu regardes des gens qui sont dans une démarche de, tu vois, de vie saine, etc. Donc forcément ça doit t'inspirer un peu, mais je pense pas directement, quoi. Je me suis pas dit ah putain, j'ai trop envie d'être taillé comme ces mecs là ou quoi. Ou c'était pas une source d'inspiration dans ce sens là mais je pense que c'est une question d'environnement, quoi. Tu vois, le fait de d'avoir des lectures ou des même d'écouter des podcasts ou d'être dans un environnement où ça parle de remise en forme, de choses comme ça, ça te fait te poser la question, tiens, je mange le McDo ou je mange un autre truc, quoi, sans forcément t'en rendre compte. Donc ça n'a jamais été vraiment pleinement conscient et vraiment une décision pure et dure, mais c'était tout un truc, toute une dynamique qui était au même moment, quoi. Donc, c'était surtout ça. C'est vrai que ça, c'est un truc qui revient souvent quand je parle avec des potes ou des gens en général sur quand je fais du sport et tout, ouais. Quand je suis pas blessé. T'es encore blessé, c'est vrai. C'est vrai qu'un truc qui revient souvent, c'est genre putain, j'arriverai jamais à me tenir à une discipline comme tu fais, j'aurai trop la flemme, genre je m'inscrirai dans une salle, j'irai deux fois, j'irai plus jamais et tout machin. Ouais. C'est vrai que pendant un moment j'étais un peu comme ça aussi, mais en fait. Comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'est si t'arrives un peu à te conditionner, en fait, à écouter justement des trucs ou lire des trucs qui te motivent, ouais. Toute cette paresse et toute cette flemme, en fait, elle a un peu tendance à disparaître d'elle-même, quoi. Mais ouais. Bah, tu vois, moi, ce qui m'a motivé, tiens, maintenant tu le dis, enfin ce qui, ouais, c'est à la fois pour la clope, même pour courir. Maintenant, je me souviens un peu. C'était le fait que, genre, des fois, j'avais des journées au taf où j'avais rien à faire, quoi. Donc, j'étais en train de traîner sur Internet, machin. Et pour la clope, un des trucs que j'ai checké et qui m'a aidé, c'est en y repensant que je me rends compte finalement que ça m'a aidé, c'était simplement de lire un peu sur des forums ou des trucs, des mecs qui ont arrêté de cloper, quoi. Mais juste comme ça, en tuant le temps, sans vraiment activement dire alors comment ça se passe. Juste de regarder, mais de temps en temps, je jetais des petits coups d'œil et je voyais des témoignages de mecs et tu te rends compte qu'en fait, bah, un peu comme toi, ce dont t'as parlé la dernière fois, tu te rends compte que ton cas de figure que tu pensais être pas forcément unique, mais tu te dis « Ah, moi, j'arriverai pas pour X ou Y raison », tu te rends compte qu'il y a 10 000 mecs qui ont exactement les mêmes raisons, les mêmes questionnements, les mêmes trucs, même des mecs pires, des mecs mieux, enfin, tu vois. Et donc, c'est une source d'inspiration aussi. Donc, pareil, je pense, pour tout ce qui est sport, se mettre à la course, moi, je regardais un petit peu par curiosité, les mecs, t'as un programme qui s'appelle... truc du canapé aux 5 km, tu connais ce truc, c'est couch to 5k. Non, je connais pas. Genre, en gros, c'est du canapé, en fait, c'est, je sais pas d'où ça sort, mais c'est le couch potato, quoi. C'est le mec qui squatte sur le canapé, ouais, tout le temps, ouais. De passer de ce stade là à un mec qui est capable de courir 5 bornes, quoi. C'est, je sais pas d'où ça sort, et en gros je tombais là dessus et donc c'est un programme comme il y en a plein, c'est, je sais pas, tu sors, tu cours selon ton niveau, quoi. Tu cours 5 minutes, tu fais une pause de 1 minute, après tu recours 5 minutes, machin, et puis après la semaine d'après tu cours 7 minutes, enfin je sais pas. C'est un truc qui est vraiment adapté pour un mec qui a, la personne qui a pas du tout. Ouais, c'est censé être, ouais, un truc comme ça. Après t'as différents niveaux, niveau débutant, machin. Et en fait, en checkant ces trucs là, tu voyais plein de mecs qui galéraient trop, parce que je me disais, putain, c'est pas normal quand même, que genre au bout de 2 minutes j'en ai trop marre, ou que genre j'ai mal au tibia ou quoi, je me disais, putain, je suis pas normal. Et en fait, tu te rends compte que bah non, il y a plein de gens qui galèrent. Et donc le fait de prendre des lectures comme ça et de voir, de te comparer à d'autres et de lire ces trucs-là, ça a tendance à t'inspirer, à te motiver. Puis comme après l'autre niveau, les mecs qui sont au niveau, qui sont à fond, tu dis ouais, mais en fait ces mecs-là, c'est pas du jour au lendemain qu'ils sont devenus au niveau, quoi. Genre ils ont bossé pour ça, quoi. Donc ça joue aussi. Ouais, c'est vrai, quoi. Moi, il y a un truc que je fais qui marche très très bien. C'est un conseil que je vais me permettre de donner. Puisque moi j'ai quand même tendance à vachement je peux tomber, on va dire, dans le négatif assez facilement. Si je fais pas attention, je peux me trouver des excuses assez facilement pour rien foutre. Donc pour vraiment rester déterminé et motivé le plus possible, en fait, j'ai trouvé une technique qui marche plutôt bien. En plus, effectivement, d'écouter des interviews, des podcasts, de mater des reportages sur des trucs qui peuvent, ou sur des gens qui peuvent éventuellement t'inspirer. Ouais. La bonne technique que j'ai trouvée, c'est que sur Twitter, je suis des mecs qui ont tendance à... Comment dire ? Comment est-ce que je pourrais appeler ça ? Définir ça ? Je suis des mecs sur Twitter... Ouais. Qui postent des tweets motivants, en fait, quoi. C'est ouais, pas, des c'est... inspire trucs, inspirationnel trucs là. Ouais, je pense qu'on pourrait appeler ça comme ça. Alors après, c'est pas des mecs qui sont coachs de vie ou quoi que ce soit. Ouais. Mais par exemple, il y a ce mec, je pense que t'as dû entendre parler, Joko Willink. Oui, je m'ai envoyé un truc de ce mec-là, je crois, une fois. Ouais, c'est genre un ancien marine, c'est américain, le mec, c'est genre le roi des badass, quoi, qui est centré de judiciaire brésilien. Et lui, son truc, en fait, c'est de se réveiller tous les jours à 4h30 du mat, et de photographier sa montre, pour bien prouver qu'il se réveille à 4h30 du mat, avec des messages, genre, en lettres majuscules, genre, bougez-vous le cul, bougez-vous le cul, bougez-vous le cul. Et je suis ce mec-là, et des fois, il balance des tweets qui sont extrêmement efficaces, extrêmement motivants, donc à ce moment-là, ceux qui me parlent, on va dire. J'en fais une capture d'écran en fait. Okay, ouais. Je sauvegarde tout ça dans un petit dossier sur mon téléphone. Ouais. Et régulièrement en fait, je vais consulter ses tweets et je suis genre ok, faut que je me bouge le cul. Enfin, ça te booste quoi. Ça me booste. Ouais. Mais après, ça demande quand même. Je pense que pour faire ça, enfin, je sais pas, mais je pense que ça demande d'avoir passé un palier quoi. Genre toi, tu sais déjà que tu veux rester motivé, donc tu te préconditionnes parce que tu te connais bien, tu t'es fait un petit état des lieux de dire ouais, je sais que des fois je suis comme ci comme ça machin. Et je pense que par rapport à ce que tu disais avant, des gens autour de toi qui te disent ouais, moi j'aimerais bien me pousser, je pense que je sais pas s'ils en sont à ce niveau-là de savoir comment se préparer déjà, parce que tu vois, par exemple, je sais pas si moi ça fonctionnerait pour moi ce genre de, enfin peut-être ouais. Mais on fonctionne peut-être pas de la même manière, tu vois. Donc je me dis qu'il faut avoir pris le temps de te connaître pour pouvoir trouver des solutions, alors qu'au tout début c'est pas évident quoi. C'est pas faux ce que tu dis, parce qu'effectivement quand je me suis trouvé cette technique, j'étais un peu persuadé d'avoir trouvé la solution miracle. Ouais. Et pour moi c'est le cas, mais j'ai remarqué que quand j'en parle à d'autres gens, genre regarde, moi je fais ça, je trouve des mecs qui sont motivants, je fais des captures d'écran, j'ai consulté et tout, ouais, mais genre monte tes trucs de Joko Willink et ça les terrifie quoi, tu vois. Genre 4h30, libère ton esprit, bouge ton cul. Ouais, bah ouais, non, c'est chaud. Ouais, ils sont là genre enfin j'en parle avec ma copine par exemple, ouais. et pour elle c'est trop agressif quoi, c'est trop rentre dedans quoi. Mais tu vois, je pense que moi ça marche pas, tu vois. Pour revenir à mon truc de clope, j'avais essayé d'arrêter de fumer déjà avant vite fait, mais bon, après j'avais pas du tout de méthode, pas d'approche, mais j'avais essayé justement l'approche un peu allez tu te bouges le cul maintenant c'est bon, et en fait pour moi en tout cas ça passe pas du tout quoi. Moi le truc qui passe bien pour moi c'est de prendre le truc de manière un peu pragmatique, tiens alors pourquoi je le fais, qu'est-ce qui est pertinent machin. C'est un peu du A plus B, quoi. Genre, ok, c'est une évidence, mais de se documenter un peu dessus, de comprendre, c'est tout con, mais le fait d'avoir lu que c'est normal, en fait, que pendant 3 jours, t'aies trop envie de cloper, et qu'en fait, au bout de 3 jours, t'as plus ou moins une preuve scientifique qu'au bout de 3 jours, en fait, ça va pas s'arrêter, mais ça va s'estomper, bah, ça te donne envie de passer ces 3 jours pour vérifier, quoi. Plutôt que de te dire, allez, si t'as pas de preuve, t'as pas de... Oui, t'as je sais ce que tu veux dire. Ouais. T'as pas, je sais pas sur quoi tu diriges, tu dis, allez, je vais tenir, et puis au moment, tu pètes un pont, tu joues de la clope, quoi. C'est vrai. Alors que là, moi, ce que ça m'a fait, c'était de me dire, ah, ok, vas-y, bon, allez, un jour, ok, je tiens. Après, le lendemain, tu dis, ok, il reste 2 jours pour voir. Au bout de trois jours, tu dis, ah, en fait, effectivement, ça va un peu mieux. Ok, d'accord, ça va mieux. Et après, tu dis, ah, bah, ça fait quand même 3 jours que j'ai pas clopé, mais en fait, c'est pas si indispensable que ça. Donc, tu te motives, mais un peu, pour moi, ce qui fonctionne, en tout cas, c'est ça. Je sais qu'il y a d'autres gens, pour le sujet de la clope, ça marche pas du tout. Ils ont besoin de, je sais pas, d'un patch ou de, je sais pas quoi. Ouais, et puis il y a des gens qui ont, Enfin, c'est différent pour tout le monde, quoi. Oui, c'est différent pour tout le monde. Et puis il y a aussi, j'ai peut-être tendance à un peu oublier ça, mais il y a pas mal de gens qui sont là, genre, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, qui s'en foutent, qui sont très bien comme ils sont et qui ont. Aussi, ouais. Qui ont pas forcément envie de changer, quoi. C'est. Non, mais pour ceux qui ont vraiment envie. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal, parce qu'on en parle souvent de ça, de gens autour de nous qui disent des trucs et tout. Moi j'ai du mal parce que pour moi en tout cas, justement j'ai jamais eu de motivation de malade. J'ai pas vraiment eu de moment où je me suis dit oh, faut que je me prenne en main, c'est parti, à part arrêter de cloper quoi. Mais il y a eu un cercle vertueux derrière qui a fait que voilà, je me suis retrouvé à avoir une hygiène de vie meilleure et maintenant je suis content quoi. Mais c'est juste devenu entre guillemets logique quoi, je me rends compte que c'est bénéfique, donc bah je vais pas me remettre à faire n'importe quoi, tu vois, c'est juste ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je pourrais pas demain être coach de vie et expliquer à un mec comment se motiver, quoi, j'en sais rien en fait. Ouais. Non mais ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Aucune idée quoi. C'est sûr. C'est pour ça que tu vois, moi souvent je dis, quand on parle de ça, je dis ouais, mais faut que les gens ils se forcent un petit peu pour pouvoir se rendre compte par eux-mêmes des résultats et que ensuite derrière ça va être naturel, parce que pour moi ça marchait comme ça en fait. Oui, c'est sûr que s'il y a des marchés en eux-mêmes, ça fonctionne mieux quoi. Ouais, tu vois, genre ouais, moi je fais mes trajets au taf en vélo, c'est rien d'exceptionnel, mais quand j'en parle autour de moi c'est genre putain mais t'es un ouf et tout, mais là il caille et tout machin, alors que franchement bah je t'en parlais juste avant, là j'avais un problème avec mon vélo, j'ai dû aller au taf en transport, je devenais fou quoi, c'était trop relou. Là il caille. Je veux dire, tu fais 3 coups de pédale, tu t'es réchauffé, c'est bon. Enfin, ça me pose zéro souci. Alors que pourtant, tu prends moi il y a, je sais pas, 5 ans, et tu me dis demain tu vas au taf en vélo, mais genre hors de question quoi. Genre non. Alors que maintenant, il y a vraiment zéro souci. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est une évolution petit à petit quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est sûr que bon. Ce qui fonctionne pour une personne va pas obligatoirement fonctionner pour l'autre, mais je pense qu'il faut rappeler, renommer ce podcast Coach de vie. Coach de vie sur la table. Mais... ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, non, mais c'est vrai que encore une fois, on est quand même, enfin, on est un petit peu quand même des cas à part par rapport à notre entourage, par rapport à ça en tout cas, ouais. Par rapport au sport et des trucs comme ça. Donc, et c'est, ça me fera vraiment plaisir de voir plus de gens dans mon entourage s'y mettre, quoi, se donner les moyens d'avoir. Mais tu vois, je pense que c'est aussi une question d'influence, parce que genre, voilà, en termes d'inspiration. Ou comment dire, s'entourer d'un contexte particulier et tout. Moi, j'ai aussi le fait d'être avec ma copine qui a toujours été sportive, enfin même qu'on se rencontre et tout, de la voir, parce que voilà, tu la connais, elle a tout le temps la pêche machin et tout, bah c'est aussi une source d'inspiration, tu vois. Puis c'est le fait de faire des choses ensemble, ça te fait plus bouger que si j'étais tout seul dans mon coin, j'aurais peut-être moins la motive de faire autant de choses. Donc je pense que c'est aussi le fait d'être entouré des bonnes personnes aussi, ça joue pas mal. Et donc ouais, pour les gens qui veulent se bouger, je pense que c'est aussi ça, c'est de se forcer peut-être à sortir de son coin et se fondre dans une masse de gens qui sont une bonne dynamique, quoi, qui tirent vers le haut entre guillemets, quoi. Oui, c'est sûr, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident tout seul de dire, enfin, je trouve ça presque impossible en fait, sans vouloir décourager des gens. mais si t'es dans une dynamique où tu fais que de la merde entre guillemets, tu bouffes n'importe comment, tu fais rien. Et genre juste toi tout seul, quoi, de te dire allez je me prends en main, je le fais. Bah si y arrive, franchement, bravo et tout, gros respect. Mais je pense que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, ouais. Après, ce qui peut être pas mal, c'est se donner comme ce truc dont tu parlais, cette espèce de programme From Coach Potato to 5K, ouais. Quoi. C'est Couch to 5K. Attends, peut-être qu'il y a un site, je vais regarder. Ouais, c'est trouver des espèces de, si ça intéresse des personnes, c'est trouver des, se fixer plutôt, pardon, des micro-objectifs, on va dire, quoi, des trucs assez modestes, quoi. Pas partir sur un clair. Truc, bon, il faut que je perde 20 kilos, ou il faut que je mette au sport, quoi. Non, mais tu vois, c'est exactement ça. Moi, j'ai des mecs à mon taf, ils veulent perdre du poids et tout. Et le mec, enfin, je me souviens pas des chiffres, mais c'est des trucs du genre, bon, allez, d'ici la fin du mois, faut que j'ai perdu 10 kilos. Ouais. Genre, vieux, c'est mort. Enfin, peut-être que tu vas y arriver, mais tu vas les reprendre. Enfin, ouais. Et je pense que c'est un gros truc, parce que voilà, au final, je te dis que j'ai jamais eu la pris de décision de machin, mais je me suis quand même pas mal renseigné sur les, tu vois, sur les façons de bouffer, sur plein de trucs, et je me rends compte que ouais, il y a plein de gens qui savent même pas en fait comment ça marche au final, juste le corps humain, quoi, comment ça fonctionne, donc enfin, ce qui est logique de faire, ce qui est pas logique de faire, ce qui va faire que tu vas perdre du poids, tu vois. Moi, je t'avais dit tout à l'heure, quand j'ai arrêté la clope, que je voulais pas grossir, et que ce que j'ai fait, c'est au lieu de checker ma diète, quoi, j'ai couru un peu, j'ai fait plus de vélo. Ouais, ça va, mais en fait, la vraie raison pour laquelle j'ai pas pris de poids et pour laquelle j'en ai perdu, c'est parce qu'à côté, je mangeais correctement, quoi. Mmh. C'est pas du tout, au final, d'avoir couru 2 secondes et d'avoir fait 10 bornes en vélo qui a fait que j'ai perdu du poids. C'est ce que tu bouffes. Et ça, je l'ai appris, voilà. Enfin, c'est une évidence pour certaines personnes, mais t'as plein de gens qui savent pas. Mmh. Qui se disent, c'est bon, j'ai couru, je peux bouffer un Twix, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi aussi, c'est, en fait, ça m'a vraiment surpris. J'ai été choqué par ma naïveté sur ce coup-là, mais c'est ce que tu consommes qui est primordial, quoi. Le sport vient après, quoi. Ah non, mais clairement. Ouais. Le sport, c'est pour quoi? C'est pour ta santé cardiovasculaire, quoi, en c'est gros. C'est pour te décrasser, pour te défouler, mais. Poids, genre, si ton objectif, c'est un objectif de poids, ouais. Ou, je te dis pas de pas faire de sport, mais c'est pas le sale problème, quoi. Ouais. Alors attends, j'ai trouvé en même temps le Couch to 5K, et donc déjà il y a plein de liens. T'as une version française? Ouais. Du canapé au kilomètre 5. Traduction littérale. Je suis un petit peu littéral. Site québécois. Bon, en gros, ouais, c'est ce que je t'ai dit, c'est un programme pour passer de pas courir du tout à être capable de courir 5 km en genre 6 semaines, je crois. Donc tu commences petit, tu cours 3 fois par semaine. Ils ont aussi le Couch to 10K, pareil, mais plus qu'à 10 bornes, donc ça prend peut-être plus de temps. Genre 10 semaines apparemment. Ouais, t'as plein de trucs, quoi. C'est des programmes, ouais, c'est le concept de mini-objectif, mais fait dans un programme. Mmh. Et donc, il y a plein de trucs comme ça qui existent, comme les trucs fractionnés, les machins. Bien sûr. Les mecs qui font des marathons, ils font pas tous les jours pour s'entraîner, ils font pas tous les jours un marathon, quoi. Ouais, ils font sûr. Des trucs, voilà, ils font une sortie longue par semaine, ils font des. Enfin, j'y connais rien, mais ils font une semaine, une sortie longue, ils font des trucs fractionnés, ils font des trucs, je sais pas quoi. C'est tout un programme, quoi. Et toi, il n'y a pas un... Est-ce que tu... Enfin, ton activité sportive actuelle te satisfait ou t'as pas envie de te fixer un challenge, genre, j'en sais rien, te... Bah, je me tâte des fois. En fait, ouais, en fait, en gros, mon talon d'Achille, on va dire, c'est que... genre, j'en parle à ma copine depuis un petit... Enfin, j'en parle pas, genre, à fond, quoi. Mais je veux dire, j'arrête pas de dire, ouais, faut que je cours, là, je suis chaud. Genre, allez, je sais plus, il y a 2 semaines ou quoi. Je disais, ouais, allez, la semaine prochaine, le matin, je me lève, je cours avant toute chose. Je l'ai pas fait une seule fois, quoi. Ouais. Mais pas une fois. Et en fait, il y a un moment donné que je m'étais dit, mais c'est par rapport à tu vois, au truc de la course. C'est un truc que j'ai gardé. En fait, j'aime pas courir. Mais je me suis rendu compte, je me suis, entre guillemets, prouvé à moi-même que je pouvais courir suffisamment longtemps, quoi. Quand j'ai commencé, je pensais que je pourrais jamais courir, je sais pas, un quart d'heure. Je trouvais ça genre une montagne. Alors que je peux courir largement. Et en fait, là, ma barrière, on va dire, c'est de passer genre les 50-55 minutes. Pas parce que je suis mort ou quoi, c'est parce que j'en ai marre, quoi. J'en ai trop marre. Et en fait, ce que je m'étais dit, c'est que pour me forcer à le faire juste pour me dire que je l'ai fait, c'était peut-être de tenter, c'est quoi, c'est 20 bornes, hein, un demi-marathon. 20, ouais, c'est une vingtaine de bornes, c'est ça. Alors après, pas forcément m'inscrire à un truc, j'en sais rien, je m'en fous un peu de la compétition en elle-même. Mais en tout cas, ouais, un des trucs que je voudrais faire, c'est me forcer justement, enfin me fixer un objectif pour me forcer à courir plus, juste parce que j'ai envie d'attendre passer l'heure de course, quoi, en fait, parce que j'ai jamais couru plus d'une heure, moi, perso. Donc c'est un des trucs, ouais, que j'aimerais bien faire. Aussi en natation, je nage trop mal. Ouais, moi aussi, c'est ouais, c'est ouf. Quoi, genre, c'est ouf. J'ai réappris à nager il y a quoi, il y a 2 ans, quand j'étais en vacances en Martinique, parce que j'ai su nager quand j'étais gamin. Et enfin, je savais nager, quoi. Mais j'aimais pas la piscine. Enfin, souvent, parce que ouais, moi, je suis des Antilles à la base. Et tous les étés, on allait, enfin, pas tous les étés, mais tous les 3 ans, on passait 2 mois en Martinique. Et en fait, il n'y a rien à faire à part aller à la plage. D'accord. Et donc, j'ai fait une sorte d'allergie à la plage, parce que quand t'es genre ado, passer 2 mois à checker la plage, et je sais pas, j'étais pas rebelle, mais t'es un peu saoulé rapidement, quoi. Bien sûr. Bon, j'en avais plein le cul, donc j'ai fait une sorte d'allergie à la plage et tout ce qui était. Même quand j'étais avec des potes et que je me retrouvais à la plage, ah, trop bien, on va nager. Genre, non, c'est de la merde. Ça me faisait chier. Et bref. Et donc, en fait, bah, c'est avec des potes qu'on a en commun, hein, qu'on s'est retrouvés dans un village du Jura il y a quelques années. Avant qu'un de nos potes y emménage, mais on y est passé. Et en fait, on allait nager au lac. J'ai fait genre 3 mètres et j'avançais pas du tout, quoi. D'accord. Ça marchait pas. Donc j'ai un peu bloqué là-dessus. Mais bon, voilà, je me suis dit, tiens, c'est chelou. Normalement, je sais nager. Et j'ai vu les autres tracer au loin. Mais moi, j'étais là, genre, bon, bah, à toutes. Surtout comparé au mec en question, ça a dû être dur, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai un peu bloqué dessus. Je fais, tiens, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Et donc là, qu'on est parti en vacances avec ma copine en Martinique et qu'on est allé à la mer et tout. Déjà, c'était cool parce que c'était dans un autre contexte et c'était des bonnes vacances. Et donc, je lui ai dit, mais attends, en fait, montre-moi vraiment comment on nage, parce que je crois que je sais plus comment on fait. En fait, j'ai réappris à nager, mais j'ai pas encore un niveau de malade, quoi. Tu me mets dans une piscine, je fais une longueur et demie et je suis genre mort, quoi. Je sais pas comment respirer. Je peux nager, je peux avancer maintenant. Je peux flotter, quoi. Mais genre, je fais une longueur et demie et je sais pas du tout comment on gère ça, quoi. C'est ouf. Donc ça, c'est un objectif aussi, c'est de nager comme il faut, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est un objectif que j'avais aussi, mais qui est un peu disparu, en fait. J'ai une super piscine, mais juste à côté de chez moi, maintenant, ils sont en train de la refaire complètement, donc ouais. C'est excuse parfaite pour pas aller nager, quoi. Pour pas aller à d'autres piscines qui est genre à 10 minutes à pied. Ouais. Mais ouais, c'est parce qu'en plus, il y avait un été où, au mois d'août, j'étais allé faire que nager pour préparer ma rentrée sportive avec mon club de boxe MMA qui allait rouvrir. Ouais. Et ça m'avait fait vachement du bien, quoi. Même si, en fait, j'avais essayé de me remettre au crawl parce que c'est un nage un peu viril cool, tu vois, mais j'y arrivais pas du tout, donc je me suis contenté de faire de la brasse. Ouais. Et j'ai quand même vu pour la brasse aller checker des tutoriels sur YouTube pour être sûr de bien faire de bons mouvements, quoi. Ouais, ouais. Parce que sinon tu fais de la merde et ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense m'être débrouillé correctement pour reproduire un mouvement de manière assez fidèle, et ça m'a quand même bien fait bosser ma cardio. Non, mais c'est clair, c'est. Ouais. Mais j'ai lu, alors c'est pareil, je pense que pour tout, c'est une évidence, mais. C'est super important, je pense, de se documenter, tu vois, tuto YouTube et tout. C'est que ce que les gens n'arrivent pas à capter, un des freins qui, dans tout ce qui est prendre une activité sportive, c'est de dire, je prends un exemple un peu à la con, mais j'ai été très bon nageur et là je dois courir 5 km, je suis mort au bout de 2 secondes, je comprends pas, c'est pas pour moi. Et en fait, ce que les gens n'arrivent pas à savoir, c'est que souvent, le fait d'avoir un niveau de forme dans un domaine peut vouloir absolument rien dire dans un autre domaine. Et notamment la natation, c'est un truc où moi je suis pas un athlète de haut niveau, mais tu peux être très bon en ce que tu veux, courir comme un malade et genre être mort au bout de deux brasses, quoi. Et donc ouais, c'est un truc dont je me suis rendu compte et j'aimerais bien justement me forcer à élever le niveau, quoi. Ouais, ouais. Moi, je sais que mon objectif sur le moyen terme, ce serait, j'ai un collègue qui fait du crossfit régulièrement, ouais. Et j'aimerais bien pouvoir aller faire un crossfit avec lui, quoi. Donc, dans l'état actuel des choses, je suis pas du tout en état de faire ça, parce que c'est quand même très très intense. Mais c'est ça que j'aimerais juste faire un crossfit, quoi. Ouais, ces jours, j'aimerais bien tester, mais ça a l'air bien bien costaud, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Bien bien vénère. Après, ouais, le truc aussi, c'est que je veux pas non plus faire trop de trucs. Là, je me suis rendu compte de ce que j'ai fait au fil des années, là, ces dernières années, c'est j'ai rajouté un truc par an, en fait, plus ou moins. Le vélo, je le compte pas forcément comme du sport, c'est bon, je me déplace comme ça, quoi. Mais bon, le karaté, j'y vais quand même pas mal de fois par semaine, le judo quand je peux. J'ai rajouté un peu de yoga, là j'essaie d'y aller régulièrement quand je peux, pareil. Et je me dis qu'un truc comme le crossfit, je saurais pas où le caser, en fait. Ce serait forcément au détriment d'un autre truc, parce que faut pas de toute façon trop faire trop de trucs. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et la natation, j'allais à la piscine assez souvent là pendant l'hiver, pas trop, mais quand j'y allais, j'allais pas forcément nager, je peux plus aller dans l'eau faire des exercices. Et donc je pense que je vais me remettre à nager, et voilà. Donc toi, c'est crossfit comme objectif et éventuellement natation en te motivant, quoi. Ouais, alors quand je te dis crossfit comme objectif, c'est faire un crossfit, quoi, de tenter l'expérience une fois, quoi, et essayer d'assurer un minimum, quoi. Ouais. Après, c'est que je me verrais pas faire du crossfit régulièrement, parce que je pense que ce serait typiquement le genre de truc, comme ça a l'air quand même très intense, très rapidement, ouais, encore une fois je me blesserais, donc ouais, ça a l'air, moi c'est un truc qui me fait peur, hein, le crossfit. Ouais. Après, ça, enfin, il y a pas un collègue, mais bref, ouais. Un gars que je connais qui en fait, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'il paye pas de mine, quoi, mais il a l'air bien bien à fond, quoi. Et il en fait tous les jours, et donc quand il m'en a parlé, je lui ai fait, ah mais forcément j'ai fait un peu le cliché des gens qui connaissent pas, quoi, en disant ouais mais ça, il y a des gens qui se blessent et tout, et genre lui qui est pratiquant et tout, qui défend son truc mais qui connaît, quoi. Genre, j'ai bien senti dans son regard le petit dédain, genre, ok, un culte, tu me sors le gros cliché, machin. Mais il me disait que, enfin, pas forcément, mais qu'il faut faire gaffe, machin. Mais lui, il en fait tous les jours et il s'est jamais blessé, quoi. Donc après, je sais pas si il c'est. Il en fait tous les jours. Ouais, enfin, tous les jours. Enfin, quand je l'ai vu, ouais, il y allait tous les, entre midi et deux, tous les jours à son taf, quoi. Je sais pas comment il s'est organisé, mais il a un truc à côté. Et il y allait tous les jours. Après, je sais pas si c'était un truc récent, parce que c'est pas un mec dont je suis hyper proche. En gros, c'est. Pour expliquer, c'est le client de ma boîte, quoi. D'accord. Et je lui ai parlé comme ça, donc on n'est pas non plus hyper proche, quoi. On a un rapport business un peu, mais il est sympa et on parle un peu de trucs comme ça. Et donc, ouais, il y allait tous les jours. Après, je sais pas dans le détail s'il le fait depuis des années tous les jours, je pense pas, mais il a l'air quand même assez chaud, quoi. D'accord, ouais, tu m'étonnes. Ouais, effectivement. Et il m'a montré son programme, parce qu'en gros, on avait une réunion et il pouvait pas y aller. Et il m'a montré le programme de la session à laquelle il a pas pu se rendre, et j'étais là, genre, mais. Enfin, genre, je meurs au bout de 2 secondes, quoi. Donc, ouais. De faire ça, ça a l'air hyper chaud, quoi. Hyper, ouais. Hyper chaud, quoi. Mais bon, après, si t'es capable de le faire tous les jours, tu dois avoir une condition de bâtard, quoi. Oh, c'est clair, putain. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Tu dois pouvoir bombarder en courant tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas raté. Tu cours tout le temps. Ouais. Et est-ce que, le fait d'avoir implémenté de sport dans ta vie et de pratiquer de manière assidue. Ouais. Est-ce que ça a eu, j'imagine que ça a quand même eu un impact positif sur le reste de tes activités quotidiennes. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que t'es devenu quelqu'un, pas une meilleure personne, mais quelqu'un de plus efficace, on va dire, et de plus fiable. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça a eu un impact sur les autres aspects de ta vie? Ouais, ouais. Bah, je pense que d'une manière générale, je dois être un peu plus dynamique qu'avant. Je pense. Après, ouais, ça a plein de petits effets, mais justement, des fois, je me pose la question et j'arrive pas à m'en rendre compte de manière directe. Tu vois, j'ai pas de truc où je peux me dire, tiens, ça c'est le karaté qui m'a appris ça, tu vois. Enfin, j'ai pas de. Je pense que c'est plein de petites choses. Je t'interromps, quoi, mais ouais. Il y a quand même un truc chez toi qui est assez remarquable, qui est pas donné à tout le monde, surtout dans notre entourage. c'est que j'ai remarqué que quand tu dis que tu vas faire un truc, par exemple pour ce qui est du podcast, ouais. Sincèrement, ça aurait été avec n'importe qui d'autre, on aurait dit genre ouais, vas-y, on va faire un podcast et le truc n'aura jamais abouti. Quoi. Et quand je te dis genre ok mec, est-ce qu'on peut faire un podcast à telle date, si tu me dis oui, je sais que à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe, tu me feras pas de faux plans dans les moments parce que t'as la flemme de sortir de ton lit. Et je sais, j'ai parlé à un de tes camarades de groupe que je nommerai pas ici pour on préservera son anonymat, mais il m'a dit Valentin, c'est le seul mec sur qui, enfin par rapport à tous les groupes qu'il a fait, bon on va dire que c'est Pierre. Ouais, j'ai capté que c'était Pierre. Il m'en a parlé l'autre fois là. Bref, enfin il m'a dit genre Valentin, c'est le seul mec que je connais, enfin qui est d'une fiabilité mais exemplaire quoi. Ouais, bah c'est je finis là-dessus. Ouais. C'est un truc quand même dans notre entourage qui est très rare de savoir que je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, quand il dit quelque chose, il le fait. Ouais, bah après, je, c'est très gentil, hein, je suis ému là. Mais non, mais je sais pas, tu vois, je sais pas si c'est un truc où j'ai toujours été comme ça ou pas, ou si c'est quelque chose de récent, par rapport à ta question initiale, je veux dire. Mais ouais, après, moi, c'est juste un truc où. Bah si, en fait, j'ai toujours été un peu comme ça, c'est que, je sais pas. Un exemple un peu bidon, c'est que je t'ai dit, il y a une époque, j'avais plein de groupes, j'essayais toujours de pas. J'avais peut-être des moments où j'avais des trucs un peu favoris, quoi, on va dire, mais voilà, je m'étais engagé dans quatre groupes différents. Si, j'estimais toujours que ce soit un truc de musique ou dans la vie de tous les jours, tu t'engages à faire un truc, tu fais un truc, t'es un adulte, quoi. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, enfin, et on va pas se vexer, quoi. Et donc, si tu veux, moi, quand j'avais mes groupes, je me disais toujours que je fonctionnais par rapport à. Pas par rapport à l'importance d'un groupe, ou par rapport à mes préférences ou quoi, mais par rapport à est-ce que je suis dispo ou pas. Donc quand j'avais un groupe n'importe lequel qui me disait « Ouais, on a une date tel jour, t'es dispo ou pas ?» Je faisais « Bah écoute, pour l'instant, ouais. » Et puis si derrière, on me proposait un truc, genre une méga tournée de malade, mais que j'étais pris, bah écoute, je suis pris, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Et c'était limite un truc où je voulais bien faire comprendre le truc quand certains se disaient, tu vois, pour donner des exemples, toi t'es au courant de mes groupes, j'ai des groupes qui ont mieux marché que d'autres, et il y a pu y avoir des jalousies, tu vois, d'autres groupes qui disaient, putain, mais ce truc-là, t'es tout le temps en tournée avec eux, et puis nous, machin, nanana, j'essayais de bien faire comprendre que c'était juste le hasard, et que c'était pas une question de machin. Donc j'ai toujours été un peu comme ça, à me dire, ouais, quand je fais un truc, je m'engage, et à l'inverse, moi j'attends vachement ça des autres, c'est que pour moi, il y a un truc qui est évident, c'est, ouais, c'est tout con, mais si tu veux pas faire un truc, tu le fais pas, quoi. Et limite, si quelqu'un se force, ou va me dire qu'il veut faire un truc mais qu'en fait il veut pas le faire, limite je comprends pas, en fait je suis pas rigide dessus, mais presque, enfin tu vois, tu me parles du podcast, si j'avais pas envie de faire un podcast, je te dirais bah non, j'ai pas envie. Ça, moi je suis vachement binaire là-dessus, quoi. C'est bah non, j'ai pas envie pour x ou y raison, ou non désolé, ou alors non rien à foutre, mais non, quoi. Si je dis que j'ai envie de le faire, je l'ai envie, puis si un jour j'ai plus envie, je le dis, quoi. Et donc j'ai toujours été comme ça. Après je sais pas la valeur ajoutée de tout ce qui est sport et tout ça, ce que ça a eu, sûrement ça a plein. Enfin, je me rends compte, tu vois, dans mon taf, par exemple, là, je cherche du taf, je me rends compte en entretien, genre, il y a quelques années, je serais en train de regarder mes pieds, quoi. Ouais. Là, les mecs, j'arrive en mode confiance, quoi, genre, vraiment. Et donc, je pense que, tu vois, j'arrive pas à relier le truc en disant, ça, c'est tous les jours le fait de me dépasser ou quoi au sport qui fait que, j'en sais rien, c'est pas aussi binaire que ça. Mais il y a forcément un tout, quoi. Il y a forcément un truc, t'as plus confiance en toi, tu lèves la tête un peu plus haute, là, enfin, vite fait. Donc ouais, il y a plein de trucs, mais je pourrais pas trouver de corrélation précise, quoi. Toi, tu sens des trucs, précisément, qui viennent du sport, qui font que dans ta vie, il y a tel ou tel truc qui a changé? Ouais, bien sûr, ouais. Après, c'est pas que le sport, c'est pas comme si ça avait été c'est un truc général, quoi. C'est un truc général, c'est, ouais. Il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, c'est le fait d'avoir été, Sorti de l'enfer. le fait d'avoir vaincu mon addiction. J'ai pas perdu le terme. Le fait d'avoir réussi à être sobre pendant plus de 4 ans, d'avoir retrouvé du taf, de m'être vraiment réinséré dans la vie active et dans la vie réelle, on va dire. Ça a été effectivement un ensemble de choses. Mais le sport, ah oui, c'est sûr que ça a aidé. Aussi bien sur l'impact que ça peut avoir sur ton physique, sur ton énergie, que sur le fait d'avoir juste une activité avec laquelle t'es assidu, en fait. Ça t'apporte, ça va forcément avoir des répercussions positives. Enfin, je pense, ça va forcément avoir des répercussions positives sur le reste de tes activités, de tes choses à faire dans la vie de tous les jours. Et moi, je sais qu'on m'a dit plusieurs fois, un peu comme toi, on m'a dit genre putain, t'es un mec super fiable, t'es un mec droit, c'est cool, c'est rare et tout machin. Ouais. Et c'est vrai quoi, enfin pour la plupart du temps en tout cas, tu vois, je dis pas que je suis un mec parfait, mais c'était parfait. Merci, merci. J'attendais que tu le dises. J'ai galéré avec mon micro là. Ouais, effectivement. Moi, j'annonce tout, même si vous voyez pas, genre, je galère là. Mais il y a Valentin qui est en train de tripoter son pied de micro de manière très ambiguë. Tu le fais tenir, toi. Ok, c'est bon. Ouais, ok. Et bref. Et non, si, enfin. Si, ça a eu. C'est clair que ça a eu un impact et bon, après, moi je constate des trucs. Enfin, je t'ai coupé, pardon. Non, enfin, ça a eu un impact positif. Je sais que c'est grâce au sport et c'est grâce aux autres trucs. Et c'est comme tu dis, je vais reprendre ton expression de cercle vertueux. Ouais, non, mais voilà. Et je sais que ça me permet de. Ça me permet de me sentir bien et ça permet de renvoyer une bonne image aux autres et donc tout va bien quoi. Non, moi j'aime bien ce terme, hein, cercle vertueux, c'est vraiment ça, c'est le fait de s'entourer de trucs et de. Mais c'est marrant, excuse-moi, je te coupe, mais c'est marrant, c'est la première fois que j'entends parler de cercle vertueux et c'est genre l'expression parfaite quoi. J'ai pas entendu parler de ce truc là, mais bon, après voilà, comme son nom l'indique. Hein. Mais moi c'est comme ça que je me suis. Que je pourrais résumer le. Mon parcours, parce que là j'ai pas non plus à une situation où je mange parfaitement ou je sais pas quoi, tu vois, mais c'est venu de là quoi, c'est vraiment une sorte d'effet boule de neige de plein de trucs positifs et en fait de pouvoir vérifier les résultats, moi c'est ça qui m'a permis, limite un peu comme un petit scientifique qui fait une expérience et qui check le résultat quoi, c'était de voilà, de me dire tiens, bah là j'ai fait plus de sport, j'ai fait ça, ben est-ce que je me sens mieux, oui, bon bah voilà quoi. Alors que quand tu le fais un peu sans avoir la preuve tout de suite, ou alors que et en plus voilà, moi je l'ai fait sans attendre de résultats, j'ai constaté ça à travers le regard des autres, des commentaires qu'on m'a fait, genre putain mais t'as maigri et tout, je me sentais carrément mieux et tout, et je l'ai pas fait avec en mode un objectif de perte de poids quoi, tu vois, alors que si je l'avais fait comme ça, j'aurais pu peut-être être frustré que ça allait pas assez vite, que tu vois. Ouais. Et c'était juste du bonus en fait. C'était du bonus, c'était genre. Ouais. Moi, j'avais un truc, c'était d'arrêter la clope, j'ai arrêté la clope. Et je te dis, moi, pendant genre. 4, 5, 6 mois, tu me demandais alors la clope, je disais, bah, pour l'instant ça va, mais genre j'y croyais même pas quoi. Je me disais, bah écoute, pour l'instant j'ai pas reclopé quoi. Mais je me disais pas, ouais, c'est bon, j'ai arrêté, tu vois. Même encore maintenant, je te dis, enfin, non, j'ai arrêté quoi. Mais j'avais tendance à dire, ouais, non, pour l'instant j'ai pas reclopé parce que je le vivais encore comme une expérience. Au fur et à mesure, quoi. Et c'est vraiment au bout de 6 mois où tu t'es mis à courir et tout, forcément, il y a plein de trucs positifs qui se font, mais auxquels je pensais pas du tout. Et après, on m'a dit, putain, mais t'as grave perdu, machin. Je suis là, ah ouais, c'est vrai. Et donc, t'es content, quoi. Donc, ça fait un cercle vertueux, ça te fait un truc vérifié. Tu fais, mais en fait, c'était peut-être pas con d'avoir fait ça. Et même après, t'as aussi une sorte d'addiction, sans faire le mec sportif de malade, mais t'as une petite addiction quand même, en fait, de te bouger, quoi. Donc, si tu te bouges pas, franchement, tu le sens, franchement, c'est. Bah ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Et après, ouais, le truc que je constate aussi, c'est en comparant. je vais balancer là. en comparant, on va dire, la dynamique de nos potes qui font pas trop de sport et en traînant ensemble et en voyant le. Comment dire ? Parce que j'ai un exemple très récent là. J'ai un exemple très récent de concert. Que j'ai donné avec un de mes groupes. Et le lendemain matin, il y avait une petite différence de fréquence, on va dire. Différence de fréquence, c'est pas mal. Le fait de se lever, de s'habiller, d'être prêt à partir, c'est un truc tout con. Hein, mais... Et je me suis dit, putain. Genre, oh, les gars, enfin, il y a une petite différence de dynamique. Et donc, c'est des petites choses comme ça où je me rends compte que, ouais, peut-être que le fait d'avoir un rythme différent. Tu vois, maintenant, je me lève. J'en parlais il y a pas longtemps. Avec ma copine, tu vois, avant je pouvais me lever facile si j'avais pas de taf, etc. Genre me lever à midi ou même quand j'ai commencé mon taf, si j'étais en week-end et que je taffais pas, c'était genre je traînais le soir sur le PC, je me levais hyper tard. Maintenant, si je me lève à 10h30, c'est parce que la veille je suis sorti du taf à 1h du mat, que bah j'ai dormi quoi. Mais sinon, je me lève toujours relativement tôt. Donc ouais, j'ai une hygiène de vie différente et j'en suis pas mécontent quoi. Ouais, ouais, mais je suis assez soulagé que t'aies sorti la comparaison par rapport aux autres quoi, parce que au dernier podcast, tu voulais pas balancer. Non, mais c'est pas ça, mais c'est au dernier podcast, j'avais sorti la même où j'avais dit que je pouvais pas, il y avait un côté malsain moi-même où ça me permettait de me sentir supérieur aux autres et je sais pas si c'est au même niveau, mais bon, je me sens un peu moins seul dans ces comparaisons morbides quoi. C'est bien quoi. Non, mais ouais, non, mais c'est marrant de voir ça quoi. Ouais, c'est clair, ouais, ouais, mais ça reste un vrai atout, quoi. Après, bon, je te dis ça, mais après, ça peut m'arriver aussi d'être bien à deux à l'heure aussi, hein, mais c'est un constat que j'ai fait tout récemment, là. Et j'étais là, genre, waouh! Mais c'est marrant, tu vois, j'ai vachement limité. On va pas dire arrêté, mais j'ai quand même vachement limité ma consommation de sucre, parce que j'avais entendu dire que, enfin, j'entendais parler de gens qui avaient arrêté de consommer du sucre et comme quoi ça avait un impact incroyable sur leur quotidien, donc je suis que j'allais faire pareil. Donc bon, il y a quand même des fois où j'ai tendance à craquer, surtout que genre à mon taf c'est un enfer, il y a toujours quelqu'un qui ramène un gâteau, quoi, mais je te jure, genre pour la galette, il y avait au moins genre 18 galettes différentes en une semaine, quoi, et non, tu finis par craquer, quoi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui se ramène avec un gâteau dans ton bureau, quoi, où vraiment, tu pètes tes plombs. Mais bref, ce qui est ouf, c'est que je consomme quand même nettement moins de sucre. Et quand je bouffe un truc sucré maintenant, putain, mais je te jure, mais tu sens le truc ? Je le sens, mais bien au fond de mon estomac, quoi, une espèce de grosse brique. C'était un truc, je sais pas si je ressentais, j'en avais pas conscience, mais t'es là genre putain, ouais, quand même, il y a un impact. Après, franchement, j'ai jamais poussé le truc trop loin, mais apparemment, si tu déconstruis un peu l'alimentation moderne, quoi, de ce qu'on bouffe. Il y a plein de choses. En fait, un des atouts qu'on a, c'est d'être capable de s'adapter, quoi, en gros. Mais il y a plein de trucs qu'on bouffe et qu'on tolère et qu'on accepte parce qu'on a su s'adapter et qu'on, voilà, on nous a pas forcé, mais je veux dire, voilà, on s'est habitué. Mais en théorie, un mec qui va manger, on va dire, sainement à peu près toute sa vie et qu'on n'a pas forcément conditionné à plein de trucs de la société, tu lui files un truc, ce mec, il fait une crise, quoi. Genre, enfin, apparemment, quoi. Et je me dis, ouais, enfin, moi, j'ai jamais trop expérimenter tout ça avec le sucre, je devrais peut-être essayer un de ces quatre, mais ça m'étonne pas, quoi, en tout cas ça m'étonne pas, ouais. Tu manges beaucoup de saloperies? Trop, mais pas enfin, on va dire que j'ai une alimentation de base assez correcte, quoi, genre les repas ça va. Après, ça m'arrive de temps en temps au taf de prendre une connerie à la machine, mais c'est pas tous les jours non plus. Donc ouais, dans les grandes lignes ça va, mais il y a quand même des petits écarts de temps en temps, quoi. Ouais. Okay. Mais ça reste raisonnable. D'accord. Mais la bouffe, c'est pas un espèce d'exutoire pour toi, ou c'est pas un péché mignon, t'as un rapport assez sain avec la nourriture? Ouais, ça va. Après, en fait, je m'interdis rien, quoi. Je me dis pas, ouais. Enfin non, je me refuse pas de trucs, mais naturellement. En fait, c'est aussi le fait, voilà, tu vois, moi j'ai toujours ce truc-là de faire un truc et de constater le résultat. Ben tu vois, genre, vu que je fais quand même du sport relativement régulièrement, je sais pas si je bouffe, je vais bouffer un kebab ou quoi, et le lendemain je vais à mon cours de karaté, mais mon cours de karaté, je suis en galère tout le cours, ouais, quoi. Ouais, je le sens vraiment, quoi. Ouais. Donc, et vu que je vais de manière fréquente faire un cours de je sais pas quoi et par-ci, un cours de je sais pas quoi par-là, ben plus ou moins naturellement, je me dis, bon ben demain j'ai ça, je me dis jamais vraiment ça, mais je veux dire... naturellement, je m'envoie pas des trucs, c'est devenu normal de pas m'envoyer trop de trucs vénères, quoi. Après, ça peut m'arriver de temps en temps, si je pars faire des concerts et qu'on s'arrête au quick, ben je bouffe un quick, hein, c'est pas... Mais tout seul, non, je fais pas d'excès, quoi, ça va. Ça existe encore des quicks? Je crois que ça a beaucoup disparu. Mais apparemment, on a des potes qui sont vachement calés là-dessus. Ouais. C'est racheté par Burger King et ça va disparaître. D'accord, ok. Ok, bon bah, bref. Et non, je sais plus, je voulais dire autre chose, mais j'ai zappé ce que je voulais dire. Donc des fois, t'as envie de t'offrir un quick, t'as pas trop de barrières par rapport à ça, c'est pas trop un souci. Ça dépend du contexte, quoi. De moi-même, non, parce que j'ai pas l'envie, quoi. Parce qu'au moment, tu la perds, je pense, l'envie. Hein. Si tu bouffes relativement correctement pendant un temps, t'as pas le... C'est pas comme la clope, mais je veux dire, t'as pas le... Qu'on appelle ça? Ouais, l'envie, quoi. Je pense que, tu vois, si t'élimines le sucre, je pense pas que t'aies d'envie de sucre, quoi. Enfin, j'en sais rien, faudrait vérifier. Peut-être que t'auras envie de sucre au début quand tu fais la transition, mais je pense que si tu manges jamais de sucre, t'as pas vraiment de raison d'avoir envie de sucre, parce que ton corps, il le réclame pas, quoi. Mmh. Donc je pense que c'est partout, comme pour la junk food, ça peut m'arriver carrément de bouffer un truc comme ça, mais dans l'absolu, non, ça va, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est ce que j'avais entendu dire quand je me renseignais un peu sur les gens qui consommaient plus de sucre. Ouais. C'est la vérité. C'est qu'à partir du moment où tu ne serait-ce que ralentis ta consommation de sucre, à partir du moment où tu en remanges, c'est quand même assez, ça devient très occurrent très rapidement, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ça, tu dois te... Je pense que c'est à peu près plus ou moins logique, c'est que... C'est pas, le sucre, c'est pas non plus genre un poison, quoi, mais je veux dire... On n'a pas vraiment besoin de sucre, a priori, enfin, dans sucre, quoi. Donc tu l'élimines de ton corps, et je pense qu'il faut passer le cap de te forcer à... comment dire, te forcer à retolérer le truc. Donc les premières fois que tu vas en bouffer, ça va être dégueu, tu vas pas le supporter, puis au bout d'un moment ça va passer en fait. Ouais, c'est ça. Alors que normalement le signal d'alarme de dire c'est dégueu, ça devrait être le signal d'alarme de ton corps qui dit non mais bouffe pas ça quoi. Bah ouais, c'est ça, bien tu sûr. Tu vois, c'est comme même, c'est un exemple de merde parce que c'est pas pareil, mais par rapport à la clope, enfin c'est marrant parce que bon, la clope c'est addictif, etc., c'est pas la même dynamique, mais je connais personne qui a kiffé sa première clope quoi. Genre, si t'as jamais fumé de ta vie, t'es pas là genre, putain, c'est agréable. Tu le fais parce qu'il y a tout un contexte social, machin, une image, autre, ou je sais pas quoi. Un effet aussi, au début. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'on se force à faire pour une raison ou pour une autre, alors qu'en fait, on en a pas besoin, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Tu connais des gens autour de toi qui sont qui boivent pas, qui se droguent pas Tu connais beaucoup Non. Non, après j'en côtoyais un peu plus, mais qui n'étaient pas forcément des potes hyper proches, mais j'en côtoyais un peu plus quand j'étais dans les dans la scène hardcore. Ouais. Tous les mecs straight edge et tout ça là. Mais bon, j'en connais pas beaucoup quoi. J'essaie de. Non. Ouais, d'accord, ok. Toi t'en connais beaucoup ? Non, j'en connais pas des masses non plus. Non, c'est parce que j'ai. Dans mon entourage, ça reste en général quand même des gens qui picolent. Et quand je dis des gens qui picolent, c'est donc des gens qui vont se mettre à l'occasion ou très souvent des énormes races. Ouais. Ou alors certaines personnes qui touchent à rien. Ouais. Mais c'est assez rare quand même de trouver des personnes qui ont genre de juste milieu en fait, qui vont genre picoler de temps en temps ou qui vont tirer sur un joint de temps en temps. C'est ça qui m'intéresse en fait et c'est ça qui est plus rare. De quoi, le juste milieu ? Le juste milieu, ouais. Ouais. La personne qui peut, de temps en temps, se permettre de faire un peu n'importe quoi et puis de reprendre le cours de sa vie normale et de plus y penser pendant 3 mois, quoi. Ouais, bah, je sais, c'est vrai que c'est assez rare. Après, ça dépend de ta définition de vie normale, quoi. C'est-à-dire de vie sobre, enfin, d'hygiène de vie clean, si tu préfères. Ah oui, ouais. Bah, après, non, enfin, moi, des gens qui ont une hygiène de vie clean autour de moi, si, il y en a quand même un peu. Si, un peu, ouais. Mais après j'en connais aussi quelques-uns qui se mettent des bonnes grosses caisses quoi. Mais après des gens qui touchent à rien non, franchement non. Ouais. J'ai personne en... peut-être que ça viendra après mais là j'ai personne en tête quoi. Mais putain je me suis pris ma première cuite depuis presque 5 ans maintenant avec le dernier réveillon. Ouais. J'ai dû boire quelque chose sur toute la soirée, j'ai dû boire peut-être une douzaine de bières, un truc comme ça. Et genre le lendemain, j'étais en vrac, j'étais vraiment pas bien, c'était ridicule. Armageddon quoi. J'étais nauséeux, j'avais une barre au crâne qui voulait pas partir, c'était l'enfer. Et j'étais avec ma copine qui avait carburé au whisky coquette toute la soirée et qui allait très bien quoi, donc c'était ça faisait qu'amplifier ridicule la situation. Mais en tout cas je me suis dit genre putain mais... Bon là, je savais à quoi je m'attendais, tu vois, je m'en voulais pas, mais ouais. J'étais là genre je pourrais juste... pas m'imposer ça à nouveau quoi, picoler comme un trou en sachant que le lendemain j'allais ramasser comme ça, j'étais tellement loin de tout ça pendant longtemps quand même. Voilà, t'as eu ce truc là, c'est juste, c'est plus possible quoi. T'as eu ce truc là. Après quand t'es dedans, franchement, je me souviens moi d'une tournée, je t'en ai parlé un peu avant là, t'es parti avec un groupe bien longtemps, une grosse tournée quoi, et en gros quand t'es en tournée, alors c'est une excuse bidon hein, pour justifier la picole. Mais en gros, tu dois aller dans un endroit, dans une salle ou un bar, suffisamment tôt pour avoir le temps d'installer tes trucs, faire des balances éventuelles et puis attendre. Mais surtout, tu fais beaucoup attendre. C'est que tu arrives, tu zones, tu peux pas partir trop loin de l'endroit, visiter la ville parce que t'as pas assez de temps pour faire ça et t'es souvent un peu excentré ou machin. Et donc tu peux pas faire grand chose, donc tu restes un peu dans le bar. Et souvent, t'as des consos ou des conneries comme ça, donc tu te mets à commander un truc, tu bois une bière ou je sais pas quoi. Et donc ça va assez vite que tous les soirs, sans forcément être explosé tous les soirs, mais tous les soirs t'es picolé un petit truc comme ça quoi. Et donc j'avais fait une tournée de 2 mois avec un de mes groupes. Et quand je suis revenu en fait, je suis revenu un jeudi. Et j'avais le vendredi à zoner. Et le samedi j'avais 2 concerts, enfin je devais partir avec un autre groupe quoi. Et en fait, je partais avec l'autre groupe, je les ai rejoints à, je sais pas, 14h pour partir faire le concert. On devait aller à Nancy. Et donc, je les ai rejoints avec, genre, 3 lèvres. Je suis allé boire, genre, une lèvre cash, quoi. Et je les vois me regarder, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Et je te jure que ça me choquait pas. Je te dis, bah, quoi. Et ça me, enfin, c'est pas que ça me faisait rien, mais j'avais peut-être aussi développé une tolérance à force de picoler tous les soirs. Et je voyais pas du tout était le souci. Enfin, jusqu'au moment où j'ai croisé leur regard, j'ai fait, ah putain, ah en fait, ouais, peut-être, c'est peut-être un peu chelou. On va peut-être un peu dur à s'imposer. C'est un peu chelou. Et donc, bref, tout ça pour dire que voilà, moi j'ai fait l'expérience de quand t'es, tu sais, c'est toujours une histoire d'environnement. T'as eu un environnement pendant 5 ans où t'as rien touché, donc là tu dis, jamais je vais retoucher, je vais me remettre dans cet état-là avec une barre sur le crâne, c'est pas possible. Mais quand tu le fais tout le temps, tu t'acceptes comme une merde tout le temps, en fait. Ouais. Tu vois, au final, quand j'y repense, je devais pas forcément être hyper frais, hein, et je me sentais pas mal, quoi, dans le contexte. Donc je pense que, ouais, c'est une histoire de contexte. Et les gens qui font ça régulièrement, je pense que c'est juste que c'est... ça fait partie du truc, quoi. Ouais. C'est limite, enfin, c'est pas une bonne comparaison, mais c'est limite comme faire du sport. Tu vois, moi je fais du sport, j'ai toujours un peu mal quelque part, en fait. J'ai pas des douleurs de malade, tu vois, je suis pas blessé. Mais j'ai toujours un peu mal quelque part, et je pense que si j'avais les mêmes douleurs que j'ai là, sans que ce soit dû à du sport, genre, je serais là, putain, ça va pas, quoi. Genre, alors que là, je m'en fous, enfin, j'ai pas vraiment, enfin, c'est pas un bon exemple. Mais je veux dire, t'acceptes toujours le contexte dans lequel t'es, parce que c'est celui dans lequel t'es, et bien t'as sûr, pas forcément ouais. Ça se trouve, peut-être que demain, je te dis une connerie, toujours dans mon exemple de merde sur le sport. Si quelqu'un me disait, mais t'es con, il suffit de faire tel et tel mouvement et tel massage et t'auras pas mal du tout, je serais, putain, mais je suis trop con, comment j'ai fait pour me sentir mal pendant X temps, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, pour tout ce qui est cuite et tout, moi je te dis, c'est pour avoir vécu les deux, entre guillemets, j'ai pas vécu de période de sobriété, c'est ça qu'on dit, sobriété, ouais. Sobriété. Très longue, mais ça a rien à voir avec il y a des années, quoi. Donc je me dis que ouais, je peux comprendre les deux situations, quoi. Bien sûr, ouais. Après c'est sûr que tu développes un seuil de tolérance qui... Ouais, c'est ça va vite. Ah, ça, mais c'est juste... Ouais, non, c'était, enfin, ça a été un peu, c'est vrai que ça a été un peu un choc. J'étais genre, ah, mais non, c'est mort, quoi. Je m'en remets plus jamais dans cet état, quoi. C'est, Mais quand tu fais ça, tu découvres des techniques aussi. Quand tu picoles plus souvent. Moi, j'ai découvert, encore une fois, les gens qui écoutent, ils disent, mais lui, il découvre quoi? La technique du verre d'eau, de se mettre une race de tu bois des pintes d'eau avant de te coucher. Ouais. Quand t'as picolé. Et tu te lèves, ça va, quoi. Sérieux? Mais je te jure, enfin, je sais plus pourquoi, d'où c'est sorti, mais genre, une fois, on m'a dit de le faire, ou je me souviens plus bien. Et par rapport à comment j'avais picolé la veille et comment j'étais censé me sentir le lendemain, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'était pareil. Moi, j'ai toujours ce côté un peu pragmatique, A plus B, scientifique et tout, c'est qu'en gros, tu bois de l'alcool, il se passe quoi? T'es déshydraté. Donc, je me dis, ah, putain, peut-être boire de l'eau, quoi. Et tu bois de l'eau, et bah t'as pas la pêche le lendemain, quoi. Enfin, quoi que, mais franchement, depuis que je fais ça, j'ai pas de barre de crâne, même les soirs où je me suis un peu plus lâché que d'autres et tout. Et tu bois combien de pintes? Tu t'envoies une pinte d'eau avant d'aller te coucher, ou ça dépend. Des fois t'as la panique, genre, oh là là, j'ai abusé, donc tu te bois une bouteille d'eau et tu te lèves pour pisser toutes les deux secondes. Ah, c'est trop horrible. Mais non, ça dépend, quoi. C'est sûr une pinte, quoi, minimum. Ou alors, le mieux, petit conseil pour les alcooliques, pendant votre soirée, alors vous buvez vos cocktails, vos bières, et de temps en temps un petit verre d'eau entre chaque pour s'hydrater, comme ça ça réhydrate le corps, et il n'y aura pas besoin de prendre une grande pinte à la fin. Ça, c'est un conseil pour ceux qui boivent beaucoup. Ce qui est quand même assez drôle dans tout ça, c'est que en fait, effectivement, c'est une technique dont on m'a parlé depuis que, genre, j'ai 16 ans, quoi, de boire de l'eau avant d'être couché. Genre, même mes grandes années de fêtard, j'ai jamais fait, quoi. C'est complètement ridicule, mais je pense que, en gros, moi j'ai eu une phase, je crois que c'est peut-être venu de là, je suis pas sûr, mais quand je me suis mis à taffer et tout, moi j'ai un taf avec des horaires un peu bizarres et tout. Et souvent, voilà, je bossais les week-ends, machin, et quand il y avait des concerts ou des soirées, je me disais, putain, j'ai pas envie de sacrifier, tu vois, le taf, c'est le taf, quoi, et t'as ta vie à côté, ta vie sociale et tout, et je me disais, ouais, franchement, j'ai pas envie de sacrifier ma vie sociale pour le taf, quoi, genre, de me dire, je sors pas, je suis couché à 9h parce que j'ai le taf le lendemain, quoi. Je préfère kiffer ma soirée et puis me démerder, quitte à ce qu'il y ait un des trucs qui soit un peu pas sacrifié, mais qui soit, ou je suis un peu en vrac. Bah, c'est pas grave si je suis en vrac pendant 2 heures au taf, c'est pas la vraie vie, entre guillemets. J'avais un peu cette approche là et donc je crois que il y a dû avoir un truc comme ça, où genre, je savais que le lendemain je taffais et j'étais en train de faire une pause, de picoler, de faire sortir ou je sais pas quoi, et je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à gérer demain. Et en fait, en testant la technique du verre d'eau, bah, je gérais mieux, quoi. D'accord. Après, il y a des fois où j'ai pas du tout géré, mais je gérais plutôt mieux. Ouais. Ok, bon, bah écoute, c'est toujours bon à savoir, quoi, pour les alcooliques. Pour les alcooliques qui nous écoutent, qui, j'en suis sûr, doivent être nombreux. Ouais. Moi, je te propose, sans transition, qu'on aille vers le MMA. Qu'on parle de choses sérieuses un peu, quoi. Parce que je cherchais une transition entre la dépendance et qu'il y a Matt Brown qui est ta héroïnomane, t'as Kurt McGee aussi. Exactement, ouais, Kurt McGee qui a combattu contre Ben Saunders, quoi. C'était un... Ils ont vaincu leur démon. Ouais. C'était quand contre Ben Saunders? C'était dimanche, là. C'était le... Ah, c'était là? C'était celui-là, j'ai pas vu. L'affiche avec BJ Penn contre Yair Rodriguez. T'as eu les résultats ou... Alors, j'ai vu les résultats, absolument. Moi, je m'en fous de spoiler, hein, donc tu peux les donner si tu veux. D'accord, non, mais ça va l'air d'être une bonne petite affiche. Je vais quand même juste me la remettre sous les yeux histoire de pas dire de conneries. Bon. Comme prévu, BJ Penn s'est pris une grosse branlée, quoi. Ouais, c'est dur. Moi, j'ai vu. Tu m'as dit que t'as pas vu le combat ou quoi. J'ai rien vu. Ni j'ai les pas vu l'image. Highlights, machin. Non. J'ai vu en fait. Donc tu connais le résultat, quoi. Ouais. Moi, j'ai juste vu le comment ça s'appelle le GIF. Je sais pas si on dit GIF ou GIF. Le truc là animé de du final, quoi, de comment il s'est fait stopper. Et en fait, j'ai flippé parce qu'en fait, il s'est fait stopper au tout début du deuxième round. Et en fait, moi, j'avais pas vu la petite case en bas marquée que c'était ce deuxième round. Je crois que c'est genre le premier round. Putain, il s'est fait sécher au bout de 15 secondes de combat. Ouais. Et en fait, non. Mais du coup, j'ai revu un peu, bah, j'ai quasiment tout vu au final, parce que j'ai vu au moins, genre, 2-3 minutes du premier round. Donc, c'était genre les plus beaux moments du premier round. Et il se fait démolir, quoi. Genre, l'autre, je crois qu'il fait du taekwondo à la base, Yair Rodriguez. Enfin, il a une bonne base là-dedans. Et il lui met des coups de pied, mais qu'il voit jamais arriver, donc il les prend tous et tout. C'est genre, c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais c'est ce que je te disais ça avant. Ça fait mal au cœur, quoi. C'est ce que je te disais avant qu'on commence. Alors, je me suis trompé, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais le premier combat que j'ai eu de BJ Penn, c'est quand j'ai commencé à vraiment tout juste m'intéresser au MMA. Ouais. Via ta personne. Le premier combat que j'ai eu, c'était son combat contre Diego Sanchez. Ah, il était vénère, ce combat. Donc, c'était un combat vénère, là, dans le sens où c'est lui qui a mis une tollée pendant 5 rounds à Diego Sanchez. En plus, à cette période-là, Diego Sanchez, c'était genre le mec qui montait comme un ouf. Ouais. C'était pour le titre, en fait. C'était pour le titre, ouais. Et bon, encore une fois, Diego Sanchez, le mec, genre, incroyable, quoi. Donc, le mec, il ressemblait plus à rien, mais il était quand même là. Et après, par contre, quand j'ai revu, il avait déjà pris sa retraite. Quand j'ai vu le combat, c'était un truc qui datait déjà un peu. Ah, tu l'as vu à posteriori, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Okay. Le premier vrai combat que j'ai vu de lui, c'était son combat contre Rory McDonald. Le mec s'est fait balader pendant 3 rounds. Ouais, je me rappelle, le deuxième round, c'était vraiment embarrassant. Il y avait d'arbitres qui pensaient, qui savaient pas s'il devait rater le combat ou pas. Enfin, il était complètement surclassé. Ouais. Surcrassé, sûrement aussi, mais. et ensuite, il a, peut-être bien 2 ans plus tard, il a fait son combat contre Frankie Edgar. Ouais, celui où il se tenait tout droit, là. Où il se tenait tout droit. Ouais, parce qu'il y a eu, il y en a eu 3 contre Edgar. Oui, bah c'était le dernier. C'était le dernier, ouais. Que j'ai pas vu, mais enfin il s'est fait dominer complètement. Et quand je t'ai dit le commentaire sur celui où il se tenait tout droit, si t'as pas mis, tu vois pas de quoi je parle. Attends, où il se tenait tout droit. Parce qu'en fait, le délire de ce combat, c'est que donc en gros, il a perdu, il s'est fait prendre son titre par Edgar, je sais plus UFC genre 112, un truc comme ça. Enfin, il y a longtemps. Il y a eu une revanche, je crois, directe après. La première défense d'Edgar, c'était contre BJ Penn. Il a défendu son titre, il a gagné, quoi. Et donc, en gros, voilà, c'était réglé. C'est Edgar le meilleur et tout. Et je sais plus s'il était déjà parti à la retraite ou quoi, mais en gros, c'était, vu que c'est une légende, BJ Penn, il a fait « Moi, je veux une revanche contre Edgar. » Si on va le faire en... Ils avaient fait Ultimate Fighter ensemble. Ils avaient fait une saison. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ils avaient fait Ultimate Fighter et ils voulaient se battre avec lui en 145, quoi, featherweight. Et en fait, il est arrivé dans ce combat BJ Penn avec une stratégie que personne n'a compris, où en fait il avait une comment on appelle ça, une posture très très très droite, au lieu d'avoir les jambes bien écartées ou machin, bien sur ses appuis, il était très très droit et il ressemblait à rien du tout. D'accord. Et je veux dire, visuellement, je vais essayer de trouver un truc, donc c'est du podcast, donc c'est un peu con pour les gens qui écoutent. Je vous inviterai, peut-être que je mettrai le lien quelque part. Ouais, si mais je pense que quand il a une dégaine de qui veut rien dire, quoi. C'est assez marrant de s'imaginer en même temps, quoi. Je pense que les gens qui vous écoutent et qui s'imaginent ça doivent se taper des barres. Non, mais il faut absolument le regarder pour savoir de quoi je parle. Ouais, ça doit être ça. Bon, bref. Et donc, dans ce combat, c'était, comme tu dis, embarrassant, quoi. Très embarrassant. Et du coup, on arrive au combat contre Yair Rodriguez. Et genre, ouais. Mais genre, 2 semaines avant le combat sur Twitter, enfin, genre. Tous les analystes, même les combattants étaient là, genre, mais ça va pas être possible, enfin, il va se faire complètement, complètement laminer, c'est ridicule. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, bon, bah, j'espère qu'il pourra interpréter ça comme comme un signe qui saura interpréter ça de la bonne manière. Bah, son dernier combat contre Edgar, il avait quand même dit en gros, il avait dit, je sais plus c'était quoi la phrase, mais en gros il avait dit oui pour, je suis revenu. En fait, il avait pris sa retraite, je crois. Il a dit je suis revenu parce que je voulais pas avoir à me poser la question s'il était encore capable de me battre, d'avoir le niveau dans le ring, enfin dans la cage. Et ce soir, je viens de comprendre qu'en fait, j'ai pas le niveau, quoi. Genre, il l'a dit, BJ Penn, dans l'interview. D'accord. Je viens de comprendre qu'en fait, j'ai pas le niveau, c'est mort, voilà. Je me suis répondu à ma question, je sais que j'ai pas le niveau, quoi. Donc, il a terminé comme ça, et malgré tout, il est quand même revenu contre Yair Rodriguez. Quoi. Et en plus, je tiens à préciser qu'à la base, il devait recombattre déjà l'année dernière contre Dennis Cyber. Exact, ouais. Je pense que ça aurait été peut-être un peu plus à son niveau, mais je sais même pas s'il aurait gagné contre ce mec-là, quoi. Ouais. Parce que vraiment, enfin, c'est, de ce que j'ai vu de ces combats et de ce que je peux lire sur ce combat-là contre Yair Rodriguez, c'est du niveau de CM Punk, quoi. Enfin, tu vois, c'est. C'est de... Ouais. Non, mais ouais, c'est corrige-moi vrai. Si je me trompe, mais. Putain, j'arrive pas à trouver. Depuis tout à l'heure, je bloque sur le truc de la posture de BJ Penn, désolé. Hein, on ira voir. Je trouve pas, quoi. Mais ce sera un gif que tu pourras poster sur notre. Sur le Tumblr. Ouais. Sur Tumblr. Mais c'est vraiment. Parce qu'en fait, vu que j'en ai parlé, je veux qu'on te voit de quoi je parle et j'arrive pas à trouver. Mais c'est pas grave. Mais. Merde, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais pas. Mais du coup, oui, bah, bref, BJ Penn, bon voilà quoi. Mais effectivement, il y avait aussi sur l'affiche ce combat très old school entre Ben Saunders et Court McGee. Ouais. Et je n'arrive pas. Ah voilà, Ben Saunders. Impossible de savoir, impossible d'avoir le résultat du combat, c'est très frustrant. Je tiens à préciser que sur l'affiche préliminaire, il y avait un Français, Cyril Asker, ou Asker, je suis pas sûr, ouais, la prononciation, un poids lourd, ouais, ouais. Qui avait perdu son premier combat par KO et qui a réussi à gagner. En gagnant par TKO contre Dimitri Smoliakov. Donc c'est toujours cool de savoir qu'il y a un Français qui représente. Alors là, j'ai trouvé un petit lien. D'accord. Ah oui, effectivement. C'est marrant, il n'y a pas du tout les jambes écartées, donc je sais. Mais c'est ridicule, quoi. Il a fait tout le combat. Alors là, pour les gens qui écoutent, évidemment, vous savez pas ce que je montre. Mais on regarde BJ Penn en train de se battre contre Frankie Edgar. Et il a pour ceux qui ont vu le combat, ils savent de quoi on parle. Mais il a une posture. Je pense qu'à la base, l'idée, c'est de pouvoir défendre tous les takedowns. Mais c'est hyper ridicule à regarder. Et il s'est fait démonter pendant ce combat en plus. C'est pour vous donner une idée, pardon. C'est, vous voyez, dans les sitcoms toutes pourries, quand il y a un personnage gay qui veut se combattre contre un mec et qui prend une pose ridicule de boxe à l'ancienne, bah, ça ressemble à ça, quoi. Exactement. C'est, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, quoi. C'est, surtout contre un mec du calibre d'Edgar, c'est ridicule, quoi. Mais en plus, avoir des jambes. Bah, après, c'est BJ Penn, le mec, un talent, mais absolument monstrueux, mais. Ouais. Avoir des jambes super rapprochées comme ça, enfin c'est en termes d'équilibre, enfin pour envoyer tes kicks, c'est balayer, ah ouais, c'est ça a aucun sens, mais bref, bon. Ouais, on sait pas, voilà. Il y a ce qui est assez ouf en termes de mention ultra classe, un combattant que j'aime beaucoup, c'est Joe Lauzon, ouais, qui a gagné par split decision, et il était pas d'accord avec la décision, il se considérait comme perdant, et il a signalé dans son interview post combat, donc alors, on salue la classe de Joe Lauzon. Alors je sais pas si tu traînes sur Reddit. Non, c'est trop compliqué ce site, me fait peur, je comprends. Ouais, mais c'est dur à capter, mais franchement, moi j'aime, enfin ouais, je suis dessus, quoi. Et donc, pour ceux qui connaissent pas Reddit, en gros, je sais pas, c'est une sorte de forum énorme, enfin c'est un truc communautaire qui, comment dire, le contenu il est créé que par les utilisateurs, et donc c'est fait par des sections qu'on appelle des sous-reddits, et donc il y a un sous-reddit qui s'appelle MMA, donc Mixed Martial Arts, et en fait, Joe Lauzon, il fait partie de la communauté, en fait, en gros, on va dire que c'est un forum, quoi, et il fait partie du forum, et donc, il a posté sur Reddit, qu'en gros, il est ce qu'il a dit dans son interview, quoi, qu'il a eu la décision, mais qu'il est pas d'accord. Il estime qu'il a fait plus de dommages et qu'il était plus proche de terminer le combat, mais il s'est fait mettre au sol trop de fois, qu'il a beaucoup de choses sur lesquelles il doit bosser, donc il remercie tout le monde, mais il est désolé parce que pour lui, c'est pas lui qui a gagné le combat, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même la classe de prendre le temps déjà d'assumer le truc, parce que t'as plein de mecs qui feraient genre ouais, c'est moi qui ai gagné, bah ouais. C'est vrai, c'est clair. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce fil de discussion, t'as des mecs qui réagissent et tout, et qui disent que c'est hyper rare qu'on voit ça, et que un des mecs qui leur revient en tête qui a fait ça, je sais pas si t'avais vu ce truc là, c'est Rampage contre Machida. Je sais pas si t'avais vu ce truc. J'avais pas vu ce combat. Non. Genre en gros, c'est ben Machida, c'était l'époque où vraiment il était encore un peu mystérieux en mode Karate Kid et tout, personne comprenait comment gérer sa distance et tout ça. Et contre Rampage, ben c'était un combat relativement compétitif, mais Machida il a fait plein de trucs pour lesquels Rampage a rien compris, quoi. Mais Rampage, il se défendait quand même un peu bien, machin. Je ne sais pas très bien du combat, donc je pourrais pas le décrire dans les détails. Mais à la fin du combat, tu te dis, bon, bah, c'est Machida qui a gagné. Et en fait, c'est Rampage qui a la décision partagée, quoi. Et pareil, c'était un des rares mecs qui avait dit, genre, non, mais, genre, direct, il a fait, non, mais, il vient de me faire déboîter par ce japonais brésilien, là, et ils vont me donner la victoire. Ok, bon, bah, ouais, mais bon, franchement, non, je me suis fait démonter. Et donc, c'est vrai que c'est rare de voir des mecs comme ça qu'on la classe de faire ça, quoi. C'est ouais, c'est d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur le dernier gros UFC c'est vrai qu'il faut qu'on en parle, qui m'a vraiment impacté. C'est une très belle affiche, mais on va déjà revenir sur le combat entre Dominic Cruz et Cody Garbrandt. Ouais. Alors je pense que si jusqu'à preuve du contraire, je suis bien content que Cody Garbrandt ne parle pas français et n'ait pas connaissance de notre podcast, parce que s'il écoutait nos prédictions et ce qu'on a pu balancer sur lui, il frapperait par la porte, il nous éclaterait la gueule. Mais il a gagné, je m'attendais pas à ce qu'il gagne, et je m'attendais pas à ce qu'il gagne de manière aussi dominante. Bah, je pense que la personne, je sais pas trop comment ça marche les paris pour l'UFC, mais le mec qui a parié sur Garbrandt qui gagne le titre par décision unanime, ouais. Il s'est fait des couilles en or, quoi, c'est sûr. Clair. En gros, et moi c'était le seul truc que j'avais en tête, c'est quand il y a un combat où le résultat est trop évident. Alors je dirais pas du tout que je m'attendais à ça, franchement je m'attendais pas du tout à ça, mais j'avais trop le doute où je me disais, parce qu'en fait il y avait deux options, soit c'était genre classique, Dominic Cruz il gagne comme d'hab, l'autre il arrive à rien faire, et en plus il y avait toutes les conditions réunies, parce que Garbrandt c'est le mec chasseur de tête qui met des KO tout le temps, et donc en gros tous les mecs qui font ça contre Dominic Cruz ils perdent, quoi. Et en plus avant le combat, Dominic Cruz il arrêtait pas de lui mettre des coups de pression, trash talk et tout ça, et l'autre il avait l'air de marcher à fond, genre... Tu sentais que tout était réuni pour que Dominic Cruz il le provoque, machin, et qu'il fasse ses esquives comme d'hab. Moi, ce que je me disais, et ce que plein d'autres gens se disaient, c'était genre, ok, donc a priori Dominic Cruz il a l'avantage, par contre faut quand même se méfier de Garbrandt parce qu'il a du chaos dans les mains et tout, il est rapide, donc il peut quand même peut-être le choper et le mettre KO, quoi. C'était une inquiétude, et en fait c'était aucun des deux cas. Ouais, c'est ça qui est fou. C'était ça qui était vraiment incroyable, et en plus c'est que à la base, ni toi ni moi, je pense qu'on peut le dire, il parle pas français. On n'est pas hyper fan de la dégaine, enfin du personnage, quoi. Ce qui émane de Cody Garbrandt, quoi. Mais j'ai trouvé que, alors je suis pas plus fan ou quoi, mais respect quand même, quoi. Respect total. Voilà, respect total sur la façon d'avoir géré le truc, ouais. Sur le côté où il a été plus intelligent, enfin il a entre guillemets, quoi, que Cruz. Genre je veux dire, il a T'as l'impression qu'il allait défier sur son propre terrain, quoi. C'est ça qui est fou. Alors qu'il aurait pu choisir facilité, essayer de mettre KO par tous les moyens. Ouais. Il a vraiment pris le temps de l'humilier sur 5 rounds, quoi, dessous de sa gueule, quoi. Non, et puis je pense qu'aussi ce qu'il a montré, ce qui était impressionnant, c'est que j'ai pas trop suivi ses combats avant. En gros, je sais qu'il mettait des KO au premier round souvent, qu'il a eu un combat qui allait jusqu'à la décision, il me semble, mais que j'ai peut-être pas vu. Mais je pense qu'il a montré des choses qu'il avait jamais montré dans les combats. En gros, personne savait, à part lui et ses potes, quoi, qu'il était capable de faire ça, quoi, je pense. Et aussi, ce que je me suis dit, après j'ai fait mon pseudo-analyse derrière, c'est que je me dis que les mecs de Team Alpha Male et tout ça, là, je pense qu'en gros, ils sont censés quand même, à ce stade-là, avoir les clés pour battre Dominic Cruz, parce qu'au final, quand tu regardes Dominic Cruz, moi je suis pas du tout, enfin, encore une fois, je suis pas un analyste ou quoi, mais il est genre imprévisible, etc., mais il reste quand même relativement, enfin, tu sais ce qu'il fait, quoi, genre, il y a quand même... je sais pas combien de combats qui font 5 rounds, tous ces combats, donc tu vois ces tendances, et eux ils sont battus 15 fois contre lui, donc en théorie ils avaient quand même les clés pour le battre. Et je pense qu'en fait, une des différences aussi qui a joué, c'est qu'un mec comme Cody Garbrandt qui est jeune, machin, il a peut-être plus tendance à écouter ses coachs, quoi, qu'un mec comme Faber qui est en mode à l'ancienne, qui a ses réflexes et ses habitudes de X années de combat, et qui devait dire, c'est bon, je vais le défoncer, laissez-moi faire, les gars, je vais gérer, quoi. Ouais. Et dit la chose, c'était serré, machin, bref. Mais ouais, Garbrandt m'a bien bluffé, quoi. Ce combat, il était ouf. Et il y a quand même un truc à signaler aussi. Donc, enfin, il a été bluffant, comme tu dis, mais Cruz paraissait quand même moins dedans, quoi. Il était moins incisif. Moi, j'ai trouvé qu'il s'est fait piéger, quoi. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il... Parce que, bon, après, j'ai vu une interview après le combat où, justement, lui, il fait un peu le mec beau gosse et tout. Il fait genre... T'as un journaliste qui lui dit... ouais, on vous a pas vu senti à 100%, vous sentez un peu en faiblesse et tout, comme d'habitude. Il s'est pas cherché l'excuse. Hein. Et lui, il a dit non, j'étais à 100%, j'étais là et tout, machin, c'est juste que c'était pas ma soirée, bref, il a fait un peu le malin. Moi, j'ai pas forcément trouvé qu'il était moins bon. Enfin, si, mais j'ai trouvé que qu'il s'est fait prendre au jeu, en fait. Qu'il s'est fait prendre son propre jeu. C'est-à-dire que lui, ce qu'il fait aux autres, ben, il se les fait faire, quoi. En gros, l'autre, il faisait des petites esquives, il faisait un peu le malin. Et Krouge, c'est un truc que j'ai remarqué quand même chez lui, c'est que malgré le fait qu'il dominait, qu'il est intelligent, etc., tu sens quand même, je me souviens quand je voyais les trucs où il s'embrouillait le trash talk d'avant combat et que les trucs qu'il y avait avant, que quand les mecs le titillaient sur le fait qu'il avait des pillow hands là, qui mettaient personne KO, qu'il avait pas de puissance, tu sentais que ça le faisait chier quand même, qu'on lui dise ça, même s'il est suffisamment intelligent pour, voilà, tu sentais que ça le faisait chier. Et que je pense que déjà j'avais vu dans le combat contre Faber que dans son coin, entre deux rounds, il y a son coach qui lui dit arrête d'essayer de le foutre KO tout le temps, quoi, parce que c'est comme ça que tu te fais, parce que il se fait connecter 2-3 fois. C'est comme ça que tu te fais connecter, arrête d'essayer de le mettre KO tout le temps, c'est quand tu fais tes feintes et tout ça, que tu fais tes fondamentaux, que t'es bon, quoi. Et donc il avait déjà repris là-dessus, et j'avais remarqué ça, et j'ai l'impression que contre Garbrandt, il a voulu faire le mec show, et faire le show SHOW, quoi, faire le spectacle, en montrant qu'il était capable de rentrer, et en fait il s'est fait avoir, quoi. Et une fois qu'il aurait pu renverser la tendance, c'était trop tard, je pense. Parce que le combat, il allait en fait de manière crescendo. Au début du combat, c'était plus ou moins Cruz, il restait bon, mais Garbrandt était étonnamment bon aussi, et plus le combat avançait, et plus Garbrandt il s'est mis à dominer, quoi. Donc ouais, je sais pas. Je suis curieux de voir le retour de Cruz. Moi aussi, je suis curieux de voir le retour de Cruz. Maintenant, franchement, j'ai qu'une hâte. C'est je voudrais rebondir sur Garbrandt, mais j'ai qu'une hâte, c'est le combat qu'il va avoir entre lui et DHO, quoi. Entre qui? Entre Cody Garbrandt et TJ DHO. Ouais, parce que là, t'as suivi qu'ils sont, ils vont être les coachs de Ultimate Fighter. Ultimate Fighter. Sérieux? 25 ou je sais pas. Ah, quoi. C'est ouais, moi qui avais quoi pour lâcher, obligé de le remater, quoi. Parce que, enfin, DHO, espèce de traître. Ouais. T'as vu ce qu'il a dit en interview post-fight Cody Garbrandt? Moi, j'ai pas checké. Ah, t'as pas checké? Parce non. Franchement, c'est, t'as vu tout délire où il était avec le gamin et tout. Petit gamin, ouais, j'ai vu ce truc-là, mais j'ai pas. Il est venu avec ce gamin qui était dans le staff, quoi. Ouais. C'est un gamin qui était atteint d'une leucémie. Ouais. Qui s'en est sorti et qui doit être fan de Cody Garbrandt ou je sais pas quoi, et il a sympathisé avec ce gamin, il a ramené avec lui pour son combat, il gagne la ceinture d'une manière complètement incroyable, il récupère la ceinture et direct il dit genre ouais mais ce gamin c'est un survivant, c'est un combattant, ouais, il mérite sa ceinture, il a filé sa ceinture au gamin, il a dit c'est pas grave je m'en achèterai une fausse, je m'en bats les couilles. Je suis là genre putain, enfin franchement j'étais là genre putain c'est fou quoi, c'est trop bien quoi. Et du coup effectivement il a dit genre ah ouais, dernière chose, tu dis à chaud, je t'attends, motherfucker. Je te dis, putain, ça va être trop bien, quoi. Mais t'as pas vu les trucs, là, que genre, t'as le coach de Garbrandt, je sais plus comment il s'appelle, bref. Je sais plus, des conneries sur Twitter, t'as genre dit à chaud qui a dit un truc, genre, ouais, moi je te prends, et je sais pas quoi. Non, dit à chaud, il a dit, Je tiens à rappeler à Cody Garbrandt que pour toutes les fois où je l'ai fait pleurer à l'entraînement et tout. Oui, j'avais vu ça. T'as le coach de Garbrandt qui a dit genre, ok, bah, juste pour qu'on mette les choses au clair, j'ai encore la vidéo, TJ, j'ai encore la vidéo de Cody qui te met KO. Donc, par respect, genre, c'est sacré dans ce qui se passe dans le truc est sacré. Mais si tu commences à nous faire chier, je serais bien content de sortir la vidéo et tout. Alors, tu vois les mecs, mais qui sont déjà à 6 mois du truc, parce que c'est dans 6 mois au moins le truc. Ils sont déjà à fond, quoi. Ah, ça va être cool. Ça, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre ça. Ouais, c'est... Ouais. Mais je trouve qu'on a. On va rebondir sur. On va finir sur le combat Rosé-Nunes. Voilà, c'était notre review. Non, mais. Plus le temps passe et plus je suis un fan de MMA et de sport de combat enthousiaste parce que je. Enfin, je sais pas pour toi, mais. Ouais. Plus je regarde, plus forcément je pige un peu mieux le truc. Ouais. Et plus je trouve qu'on est, je sais pas si c'est la bonne période ou si c'est le sport qui veut ça, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a vraiment plein de combattants formidables dans toutes les catégories. Ah oui, non, c'est clair. Et je me lasse jamais de regarder, C'est ça. Clair. Après, je vais te laisser aussi rebondir et tout sur le truc, mais moi, par rapport à ça, c'est, il y a deux trucs. C'est que d'un côté, je sais pas que je suis inquiet, mais tu vois, je trouvais que, il y a quand même une surenchère d'events, il y en a 15 000, c'est impossible de tout regarder maintenant. Oui, c'est sûr. T'as plein de trucs dans tous les sens, machin, mais je pense que c'est aussi... faut savoir s'adapter, quoi. Dès qu'il y a un truc nouveau, dans n'importe quel domaine, on a toujours un petit peu de mal quand t'as tes habitudes. Donc il y avait un petit peu de ça, j'avais un peu un problème avec le côté business où tu vois que les mecs ils veulent à tout prix faire des stars et tout ça machin. Mais un truc qui reste, c'est ce que tu dis, c'est la qualité des mecs, genre le niveau des mecs. Enfin, je me souviens que quand j'ai commencé à regarder, enfin quand j'ai recommencé à regarder, c'était quand BJ Penn il était encore champion des poids légers et il y avait même pas encore la catégorie bantamweight, flyweight, featherweight dans l'UFC, c'était encore dans W machin là. WEC. Et en fait, donc les lightweight, c'était genre la division où il y avait que des tueurs, machin, nanana. Et en fait, ça a pas changé. Et ce que je trouve fou, quand je me rends compte du truc, c'est que je sais pas comment dire, t'avais une sorte de top 5 de mecs qui étaient genre des gros tueurs, impossible de savoir qui allait être le champion. Et non seulement c'est toujours le cas, sauf que la liste s'étend à 15 mecs. Ouais. Et dans presque toutes. Après, j'exagère, mais peut-être pas dans toutes les divisions. Mais t'as quand même un niveau qui s'est augmenté. Mais. Enfin, bon, ouais. Je te laisse rebondir sur. Finir sur Garbrandt. Et après, si tu veux passer au main event du 207. Garbrandt, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire. Ouais. Mais pour donc revenir sur deux combats. Le combat phare de l'affiche qui était Amanda Nunes qui défendait son titre contre Ronda Rousey. C'était le grand retour de Ronda Rousey après ça. Fear the return. Ouais. après sa grosse branlée dans un stade à Melbourne. Et j'attendais ça avec impatience aussi, quoi. J'étais là parce que, encore une fois, ça c'est mon côté connard, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec Ronda Rousey, quoi. Ouais. Et en plus, elle m'a, contrairement à d'autres, malgré sa domination écrasante, elle m'a jamais. Alors c'est facile à dire maintenant que voilà qu'elle s'est fait sécher deux fois de suite. T'as pas impressionné ou quoi ? J'ai jamais été sur le cul comme comparé à Anderson Silva ou John Jones quoi. Enfin je pouvais quand même pas m'empêcher de sentir que le problème c'est que le fait que ce soit la première combattante championne et qu'il est tellement starifié, ça lui donne un espèce d'avantage psychologique complètement écrasant par rapport à ses adversaires quoi. Ouais. Et elle avait jamais vraiment été mise en danger quoi. Et la seule fois où elle avait été mise en danger, c'était son combat contre Holly Holm, mais on a vu ce que ça donnait. Ouais. Et là donc elle se retrouve contre Amanda Nunes, elle s'est fait exploser dès le premier round, mais ce qui est hallucinant, c'est que elle a absolument rien fait quoi. Elle a servi de punching bag. Ouais. Elle a vaguement tenté de la choper en clinch pour la foutre à terre, ça a pas du tout marché, c'était assez mou. Non mais elle était perdue hein. Ouais, c'est bah après encore une fois j'ai toujours un peu réticent à essayer d'analyser parce que au final c'est je connais pas, enfin tu vois je suis pas expert ni quoi que ce soit, mais quand je regarde un peu son parcours en fait, moi j'ai toujours eu un peu tendance à me dire, enfin moi le truc d'un côté, moi j'aurais été presque, enfin pas content qu'elle gagne ou quoi, mais j'aimais bien le fait d'avoir quelqu'un qui t'es justement qui est aussi dominant et qui est cette sorte de fable d'histoire de personne genre intouchable et tout. Je trouvais ça juste pour l'histoire que c'était quand même intéressant à regarder parce que mine de rien, après je vais venir à ses vraies qualités de combattante, malgré le fait que j'ai toujours trouvé qu'elle avait pas forcément des qualités de ouf à part son judo qui est impeccable et tout, mais je trouvais pas qu'elle était justement au niveau d'un Anderson Silva tout ça, je la trouvais pas aussi impressionnante, mais tu sentais clairement que sa confiance en elle et la façon dont elle l'imposait quand elle squattait quelque part, tu sentais que c'était, mais genre, je sais pas, 70% du combat avant même que le combat commence, quoi. Quand tu la voyais contre Alexis Davis, enfin, presque toutes, quand tu les voyais, le combat contre, comment elle s'appelle? Katzingano, ouais. Qui arrive, qui fait nimp. Ouais. c'est clair. Et qui était dégoûté après combat, genre, mais putain! Mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ouais. Tu vois, donc je me disais que j'aimais quand même bien ce côté-là. Même si en contrepartie, je trouvais pas forcément que c'était que elle en tant que combattante et ses qualités de combattante. Moi, j'ai plus tendance à me dire que ses adversaires avaient peut-être un niveau un peu inférieur, couplé au fait qu'elle se battait contre la meuf à battre. Et après, bon, elle avait effectivement son judo et ses trucs au sol et tout. Genre, bien sûr que c'est impeccable. Mais je me suis jamais dit, genre, quand je la voyais, genre, les combats qui ont duré un petit peu contre Misha Tate, le deuxième, enfin, le premier, le seul dans l'UFC, mais le deuxième. Et celui contre. C'est vrai que j'avais oublié son deuxième combat contre Misha Tate, où c'est pas évident. Le premier combat dans l'UFC, là. L'Escarmouche. Ouais, elle était en danger au début, ouais. Elle était un peu en danger. Enfin bref, quand je la voyais pied-point en mode distance et tout, parce que contre Misha Tate, moi ce que j'ai trouvé ouf, c'est que Misha Tate, elle faisait nimp. Genre, elle était contre une judoka. Je veux dire, t'es pas forcément expert en judo pour savoir que. Faut pas charger une judoka. Enfin, elle se jetait dans les pièges de Ronda Rousey, je comprenais pas. Donc bref, mais toutes ces victoires, je trouvais pas que ça venait du fait qu'elle était complète, c'est soit des fautes de des autres, ou soit genre juste elle arrivait à la choper et la mettre au sol, mais je la trouvais pas genre dominante comme elle veut, genre quand tu... Alors, après c'est peut-être un peu une comparaison extrême avec Anderson Silva, quoi, genre parce que le mec il a fait des trucs des trucs vraiment abusés, mais ouais, j'ai jamais trouvé qu'elle était exceptionnelle. Et genre là, le combat contre Nunes, mais quand tu dis qu'elle a rien fait, moi ce que je me suis dit, après c'est toujours pareil, c'est facile après de regarder, de faire des théories ou quoi, mais j'ai vu le premier coup de poing qu'elle a pris. Et je l'ai vu, elle était, enfin, j'ai l'impression qu'elle était genre paniquée. Au-delà d'être sonnée, tu vois, parce que forcément elle devait être un peu sonnée, etc. Mais ce qui était ouf, c'est que t'as vu plein de mecs. J'ai re-regardé Cerrone contre Dos Anjos. Là, il se fait genre déboîter, mais il a des réflexes de combattant, quoi. C'est-à-dire que le mec, il se fait déboîter, il se fait charger, mais quand il se protège, il essaie vraiment de se protéger. Il essaie vraiment de se barrer, ou alors il essaie vraiment de faire un clinch ou je sais pas quoi. Même s'il est sonné, le mec, il a des fondamentaux, des trucs. Et j'ai écouté un breakdown de ton maître Firas Zahabi. Je sais pas si tu l'as checké, ce truc-là. Où il fait un breakdown de Rosé contre Nunes. Et il dit la même chose. Il dit, ouais, ce qui est ouf, c'est que t'es censé, quand t'es combattant, quand t'as un niveau suffisant, avoir des automatismes que tu fais. Mais tu vois, genre, comment elle s'appelle, Holly Holm, quand elle s'est fait mettre... quand elle s'est fait endormir par Misha Tate, elle s'est endormie en me prenant des coups de poing, quoi. Ouais, ouais. Tu non, vois, genre, ouais. C'est un exemple de merde. Mais pour lui, c'est genre, t'en as pris une, t'es sonné, même si t'es sonné, t'es censé avoir certains réflexes. Alors que là, elle faisait rien, elle restait devant elle tendait la main, comme si elle essayait de l'empêcher de taper en mettant ses mains devant son visage. Et elle faisait rien, elle prenait aucune distance, elle se couvrait pas. Et c'est ça que j'ai trouvé ouf, c'est que c'était, au-delà du fait qu'elle soit faite éclater, c'était... Ça exposait clairement ses grosses faiblesses, quoi. Parce que c'est lacunes monstrueuses. Après, voilà, c'est pas complet. Enfin, je vais pas dire que c'est pas de sa faute. Je suis pas là pour. Moi, je suis pas aussi bon qu'elle debout, hein, tu vois. Mais ouais, ce combat, il était tellement pareil, tu vois. Ce qui était ouf avec cette affiche-là, c'est entre Cruz et Garbrandt, personne n'aurait pu s'imaginer ça. Entre Rose et Nunes, t'avais plusieurs théories. Peut-être que Rosé peut la choper, peut-être que Nunes peut gagner, mais moi j'aurais pas imaginé ça non plus, quoi. Ouais. C'est ça qui était ouf, c'est que personne n'avait imaginé que ça termine comme ça. Ouais, bien quoi. Sûr, c'est clair. Ouais. Que ça fait éclater, quoi. Ouais. Genre, j'ai jamais vu ça, franchement. Et ce qui est tendu maintenant, c'est déjà de une, est-ce qu'elle va revenir refaire des combats. Si elle refait des combats, est-ce qu'elle va vraiment réussir à se sortir de cette situation pour Ave. Et surtout, ce que disait. Ce mec dont t'arrêtes pas de me rabattre les oreilles, tu parles tout le temps de Joe Rogan. Hein. Ouais. Je sais pas qui c'est, mais faut que t'arrêtes avec ce mec. Ouais, ok. C'est ce qu'il disait, et ce qui était très juste d'ailleurs, c'est que le truc, c'est que ses résultats sportifs impactent directement sa toute nouvelle carrière à Hollywood. Si elle commence à se prendre des branlées, il y aura pas de Fast and Furious 15 pour elle, quoi, tu vois. Ouais. Donc, bon, je. Bref. Ouais, mais après, ouais, ouais. c'est je sais pas, c'est chaud pour elle, hein, franchement. Ça me fait baskets. Hein, ça me fait chier, quoi. Parce que ça me fait chier. C'est quand même bien chaud pour elle. Hein, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. Non, je sais pas si elle va revenir. Et mais bon, après, pour parler d'autres trucs en mode les superstars là. Maintenant, la seule superstar qui reste, je crois que c'est ton maître à penser, Brandon Chab, qui dit ça. Surtout au niveau du style, en fait. C'est... non, mais c'est un peu en parlant de stars, etc. C'est un peu le seul mec qui reste. Un truc que je capte pas, et je sais pas si tu peux éclairer ma lanterne, c'est la volonté à tout prix là dans l'UFC de faire des titres intérim partout, tout le temps. Ouais, c'est insupportable. Parce que là maintenant c'est Khabib contre Tony Ferguson pour le titre intérim des, ça va être trop bien, ça aussi. Des lightweight, mais ouais. McGregor il a eu la ceinture genre en novembre. Ouais. Genre, et qu'ils sont là, bon bah, titre par intérim, mais pourquoi. Ouais, je sais pas, ça a aucun sens. Ouais. Ouais, non, je sais pas. Ça a juste pas de sens. Ouais. Attends, je vais regarder quel est le prochain event. Si on peut faire des petits pronostics pour terminer, parce qu'on arrive bientôt à la 1h30, c'est la limite. C'est la limite, ouais. De points sur la table. Déjà abreuvé de science infuse. On va vous laisser un peu de temps pour respirer. Tu sais de tête, c'est quoi le prochain? Non. 208 ou non, c'est, y a un truc avant. C'est 200. Enfin oui, t'en as d'autres. Je sais que t'as. Ce qui va être cool aussi, c'est Francis Ngannou contre Arlovski. Ouais. Notre Ngannou national, j'espère qu'il gagnera. Mais il y a une prochaine grosse affiche qui est bien, il faudrait que tu arrives à la retrouver. Ouais. C'est UFC 208. C'est à Brooklyn là ? Je crois que c'est ça. En attendant, je vais juste vous rappeler très rapidement qu'on est sur Twitter, @PSLT_podcast. Et c'est sur ce Twitter où on poste pas mal de petites conneries régulièrement. Et vous aurez aussi accès aux liens de notre Tumblr. Même Tumblr où pareil, on poste des conneries et surtout on poste des combats, n'importe quelle discipline différente. J'ai notamment posté le combat absolument mythique de boxe anglaise de notre Maillard Monchipour national contre ce Thaïlandais dont je ne me rappelle plus le nom. Mais si vous voulez mater un combat absolument titanesque, allez sur notre Tumblr et matez celui-là parce que c'est un combat de malade. Alors Valentin. Alors bah écoute, excellent, excellent, t'as bien meublé. Donc le prochain c'est UFC on Fox, Shevchenko contre Peña. Ah bah, alors attends, ah merde, attends. C'est le 28 janvier, je savais même pas. D'accord. Attends, c'est le 28, donc c'est quoi, dans deux semaines. Ok, bah attends, je vais te donner l'affiche. Bah attends, mais j'en ai même pas entendu parler de celle-là, quoi. Ah bah si, c'est celle-là où il y a justement Francis Ngannou et... Arlovski. T'as Donald Cerrone contre Masvidal. Ah ouais. T'as Nate Marquardt contre Marquardt contre Sam Alvey. Yes. Rafael Assunção contre Aljamain Sterling. Après, c'est des noms que je connais pas, quoi. Je sais pas si ça vaut le coup. Restons sur la plus connue. Ouais. Alors, on va aller à l'inverse. Donc, Bantamweight, Rafael Assunção contre Aljamain Sterling. Ah putain, c'est bien ça. Tu penses quoi de ça? J'aime bien Rafael Assunção, je vais partir sur lui. Juste, purement, je fonctionne à l'affect. Okay. Encore une fois. Moi, Aljamain Sterling, j'entends du. Enfin, pas du buzz, mais je vois qu'il y a des gens qui parlent de lui, mais j'ai jamais trop vu combattre en fait. Donc, d'accord, je suis plus sur Rafael Assunção. Nate Marquardt contre Sam Alvey. Je pense que. Alors, Nate Marquardt, il était revenu, il avait gagné par KO contre. Il y avait une victoire complètement dingue qui n'était pas censé gagner. Merde, son dernier combat. Son dernier combat? Ouais. Tu veux pas cliquer sur sa page Wikipédia en vitesse Ouais. Là, j'ai un énorme trou de mémoire. Rafraîchis-moi. Je vais te dire ça. Chez moi, il mélange. Ouais, bah attends. Il avait séché. C'est pas. Non, c'est Tamdam McCrory. Non, alors c'était quoi celui d'avant? Bah, il s'est fait battre contre Thiago Santos. Après, avant, il a gagné contre Sibi Dolloway. Après, il a perdu, enfin avant il a perdu contre Kelvin Gastelum, perdu contre Brad Tavares, avant il a gagné contre James Tehuna. Non, laisse tomber, je confonds avec un autre combattant. Bref, Marquardt contre Sam Alvey. Sam Alvey, j'ai dû le voir combattre. C'est un roux. C'est un rouquin qui est tout le temps en train de sourire. Écoute, franchement, je vais pas faire de pronostic pour celui-là, ce serait débile de faire un pronostic alors que je pourrais pas dire. Moi je dirais que Sam Alvey, il a des bonnes chances. Mais que Marquardt, bah il est sur la pente descendante Marquardt, mais faut toujours faire gaffe à ce mec-là, quoi. Ouais. Donc je sais pas, franchement, j'arrive pas du tout à me positionner. Après t'as Alex Caceres contre Jason Knight. Je connais aucun. Alex Caceres, c'est Bruce Leroy là, le mec. Ah oui, d'accord. Ok. Qui a fait contre Rodriguez la dernière fois. Ouais, qui est plutôt pas mal, hein. Qui ça, il est ok. Bien, ouais. Jason Knight, je sais pas qui c'est. Je le remets pas. Encore une fois, je zappe. André Arlovski contre Ngannou. Je vais partir sur Ngannou parce qu'il est vache. Arlovski, de une, est dans un pente bien descendante. Ouais. Alors qu'à l'inverse, Ngannou est dans un pente totalement ascendante. Ouais. En plus, je suis chauvin, donc je vais partir sur Ngannou. Pareil. Encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais Ngannou, ce tank, quoi. Genre, c'est un bon tank, ouais. Donc, il faut qu'il fasse gaffe, mais. Parce que Arlovski, après, c'est un poids lourd, donc faut toujours quand même faire gaffe. Mais bon, moi, je pense qu'il a quand même des bonnes chances. Ouais, il a totalement ses chances. Ouais. Donald Cerrone contre George. Attends, ça va être bien ça. Masvidal. Je vais partir sur. Enfin, Cerrone, toujours un gros tueur aussi. Ouais. Masvidal, c'est pas n'importe qui, mais je vais partir sur Cerrone. Et je vois bien, je sais pas pourquoi, mais j'imagine bien Cerrone mettre un bon KO bien dégueulasse comme il a fait contre Masvidal. Masvidal, il est quand même bien, bien technique. Hein. Ouais. Donc, après, je sais pas. Moi, je dirais que Cerrone, il a une bonne dynamique et tout. Mais il faudrait que je regarde 2-3 combats de Masvidal pour me remettre un peu dans ce qu'il fait, parce que je me souviens pas exactement. Mais je sais qu'il est bon, quoi. Il est vraiment bon. Donc je sais pas. Et très beau combat en tout cas. Et d'ailleurs ça c'est l'affiche, le main event, c'est Valentina Shevchenko contre Juliana Peña. Ça va être Juliana Peña. J'avais maté sa saison quand elle était dans Ultimate Fighter. C'était la saison qui était brute, hein. Coachée par Ronda Rousey justement. Ouais. Et c'est marrant parce que tout le monde se foutait un peu de sa gueule dans l'émission. Genre elle a aucun style, elle a pas de garde, nanani. Elle a niqué tout le monde. Ouais. Et franchement, elle est très très forte, quoi. Et ouais. Son dernier combat c'était contre Cathy Ngannou. Elle s'est pas prise la tête. Elle a juste maintenu au sol pendant 3 rounds. Ouais. Moi j'aime beaucoup Juliana Peña, mais Valentina Shevchenko. Elle sort d'une superbe victoire contre Holly Holm, tout en ouais. Technique. Très dur de trouver la gagnante. Mais je vais partir sur, encore une fois, je vais partir sur Juliana Peña. Quoi. Je vais combler mes lacunes de tacticien par l'affect. Moi, je pense que Peña a des bonnes chances parce qu'elle est quand même bien, bien dominante avec sa lutte. Après, moi, le personnage, je peux pas. Quoi. C'est pas du tout possible. Donc, j'ai plus envie que Shevchenko gagne, juste pour ça. Mais après, elle a peut-être quand même de meilleures chances de gagner Peña, quoi. Voilà pour. Alors, c'était la. J'ai même pas dit où c'était celle-là. Merde, j'ai perdu la page. Tu sais où c'est le UFC là? Je ne sais pas. On t'attend, là, Valentin. Non, mais je vais revenir, je vais trouver. C'est c'est à Denver, UFC Denver, quoi. Ok. Voilà, le 28 janvier 2017. Après, on en a un. Le 4 février à Houston, Texas, c'est Bermudez contre le Korean Zombie. Mm-hmm. Est-ce que tu l'as déjà vu combattre Korean Zombie, Cheng Song Jung? Bien sûr, j'ai vu les deux combattre. Encore une fois, c'est un très bon combat. Ouais. C'est le retour de Cheng Song Jung après son service militaire. Service militaire, ouais. On va dire que Cheng Song Jung, le Korean Zombie, va être bien fired up par tous les événements qui se passent actuellement en Corée avec la destitution de la présidente. Et ouais. C'est marrant, j'ai l'impression qu'en Corée ils portent bien leurs couilles, quoi. Genre là, apparemment, ils s'attaquent au vice-président de Samsung. Ouais. Genre c'est genre le mec le plus puissant du pays, ils en ont rien à foutre. Ouais, ils sont bien rendus. Donc on va dire qu'il est bien porté par cet élan national et qu'il va gagner contre Dennis Bermudez. Quoi. Bah, moi, je suis bien fan surtout, donc c'est plus de l'affect. Donc en plus vu qu'ils sont en retour, j'ai envie qu'ils prouvent que voilà. Parce que quand même, je crois que son dernier combat, si je dis pas de conneries, c'était contre José Aldo pour le titre. Ah oui, ça remonte. Et qu'il était blessé. Il y avait il a perdu, mais je veux dire, il était pas blessé avant le combat, mais pendant le combat, il s'est pris des méchants coups, il s'est déboîté l'épaule ou je sais pas quoi, et donc il a perdu par TKO quoi. Mais c'était pas c'était pas une victoire classique quoi, il était quand même bien dans le combat et donc il a un excellent niveau. J'ai vu des purs combats de ce mec là ouais. Et donc j'aimerais bien juste que après c'est pas contre Dennis Bermudez, même si je pense qu'il est hyper bon, mais c'est j'aimerais juste pour le principe, pour l'affect quoi, que le mec il revienne de manière dominante et qu'il ait des bons combats par la suite. Ensuite cette carte après t'as Alexa Grasso contre Félix Herrig. Je passe. Ovis Saint-Preux. D'ailleurs, il faudra expliquer au mec aux États-Unis que c'est pas Saint-Preux. Ça me fout la rage. Ovis Saint-Preux contre Jan Blachowicz. Ah ouais. Je pense que c'est Saint-Preux qui va gagner. Je pense qu'il est plus complet que Blachowicz. Ouais, pareil. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Evan Dunham contre Abel Trujillo. Ouais, on va partir sur Evan Dunham, je pense quand même. Ouais, après Abel Trujillo, il est un peu genre unidimensionnel, je crois, comme mec. Evan Dunham, c'est un mec, je crois qu'à un moment donné, il était quand même je sais pas trop ce qui l'a freiné, mais il était sur une bonne pente. Et je pense que il a des bonnes chances sur le papier en tout cas de battre Trujillo, mais c'est pareil, c'est des mecs que je suis pas d'assez près pour être sûr de moi, quoi. Après le reste des combats, je connais pas trop les noms, donc je te propose de passer juste à l'UFC 208 pour terminer. Qui aura lieu quand ? Qui aura lieu en février, le 11 février. D'accord. Holly Holm contre Germaine de Randamie. Ah oui, c'est pour la nouvelle catégorie qui nous créée. Pour la catégorie 145 féminine. Bon, c'est Holly Holm qui va gagner, quoi. Germaine de Randamie, je pense pas qu'elle soit au niveau. Après, elle est pas mal, hein. Je crois qu'elle a déjà battu. Attends, si je dis pas de conneries, je vais vérifier mes sources. Mais je crois qu'elle a déjà battu Holly Holm en kickboxing ou un truc comme ça. Alors, peut-être que j'ai une énorme connerie. Peut-être que je viens d'inventer une histoire, là. Germaine de Randamie. Bon, bah non, je sais pas, je trouve pas ma source là, donc peut-être que j'ai dit une connerie. Mais en tout cas, ouais, elle a quand même une carrière en kickboxing, elle a quand même pas mal de trucs. Donc je resterai quand même assez précautionneux sur mon pronostic. Mais bon, je trouve pas ce que je t'ai dit, donc peut-être que j'ai dit une connerie. Elle va se battre contre Holly Holm, machin, nanana. Ah oui, d'accord. Elle a perdu contre Amanda Nunes à l'UFC, Randamie. En gros, quand tu vas sur son Wikipédia, ça parle grave de sa carrière de MMA, mais pas du tout de carrière de kickboxing. Donc, ok. Anderson Silva contre Derek Brunson. Ah ouais. Toi, t'es pour Anderson Silva, c'est sûr. Je vais partir sur Anderson Silva, quoi. Derek Brunson, c'est pas, c'est un mec. C'est pas du gâteau. Ouais. C'est un mec qui est quand même qui a bien sa place dans le top 10 de la catégorie, je pense. Mmh. Et ça va être intéressant, quoi, de voir ce que vaut un Anderson Silva vieillissant contre un mec qui pourrait paraître un peu de seconde zone, mais qui tient son rang, quoi. Je vais partir sur Anderson Silva, quoi. Ouais, moi, je ne me prononce pas. Je sais pas. Jacaré contre Tim Boach. Jacques Carré. Ouais, c'est ouais. Enfin, ouais. Il est censé gagner, quoi. Ouais. D'ailleurs, Jacques Carré, faudrait que je me penche sur la question, mais c'est le mec qui est au top de la catégorie depuis X temps et qui se fait carotte, quoi. Ouais. Et il a dit. La carotte, quoi. Effectivement, ouais, c'est ça. Ronaldo, la carotte, Jacques Carré, quoi, c'est clair. Mais il a dit qu'il s'en foutait, qu'il voulait continuer à combattre, il veut pas perdre d'honneur, quoi. Donc, non, bon, très bien. Hein, lui, tout à son honneur. Absolument. Glover Teixeira contre Jared Cannonier. Cannonier, je sais pas comment on prononce. Je dirais Glover Teixeira. Putain, mais Glover, il est quand même bien descendu parce que je me souviens plus, il a combattu John Jones pour le titre il y a X temps et depuis je sais pas s'il a uniquement perdu avec Rumble ou s'il a perdu d'autres combats entre temps. Je crois qu'il a dû perdre uniquement contre Rumble. Ouais, et donc là il se retrouve à parce que voilà ce que je me disais. Donc en gros, le mec il est dans le top de la catégorie. Il perd contre Jones, après je sais plus, je crois qu'il s'est battu contre je sais plus qui. Attends, je vais retrouver le truc. Et donc il a perdu. Après avoir perdu contre John Jones, il a perdu contre Phil Davis. Je me souviens pas du tout. Ah oui, putain, il s'est fait. En plus, c'était domination totale. Ouais. Après, il a en gagné rapping. Contre Ovi Saint-Preux, gagné contre Patrick Cumming, gagné contre Rashad Evans. Et il a perdu contre Anthony Johnson. Et maintenant, il se retrouve contre Jared Cannonier, qui est un mec que j'ai vu une fois combattre et je me souviens même pas du combat, quoi. Ouais. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même Glover Teixeira censé être un mec qui est dans le top de la catégorie. Et j'ai l'impression que la catégorie des mi-lourds, il se passe pas grand chose, quoi. Ouais, c'est bizarre. À part les grosses têtes d'affiche, c'est. Ouais. Mais bon, cela dit, vu que je connais pas l'autre, je vais dire Glover aussi. En poids lourd, t'as Travis Brown contre Derrick Lewis. Moi, je Derrick Lewis. Derrick Lewis aussi. Mais Travis Brown, ouais, c'est pareil, c'est la déchéance, quoi. Ah, c'est chaud. Ouais. Dustin Poirier contre Jim Miller. Ah, c'est bien, ça va être bien, ça. C'est un bon combat, ça. Dustin Poirier, je pense. Ouais, je pense aussi. Après, bon, si on les connaît, mais il y en a quand même beaucoup. J'essaie d'en trouver un. Il y a Ian McCall contre Neil Seary. Donc on sait déjà que Neil Seary va tomber malade. c'est ça, ouais. Neil Seary va tomber malade. Il va choper la pneumonie deux heures avant le combat. Ouais. Donc bon. Mais ça devrait être cool, hein. Neil Seary, lui, il sort ses burnes lui quand il combat. Puis bon voilà, après t'as Paul Felder contre Gilbert Burns, t'as Randy Brown, bon, je sais pas qui c'est, mais t'as Wilson Reyes contre Ulka Sasaki. La tête d'affiche c'est Holly Holm contre Jermaine Durand. Ah oui, d'accord. C'est la tête d'affiche. Ouais. D'accord, ok. Donc voilà, d'ailleurs Ian McCall et Neil Seary, c'était celui qui devait être fait à UFC Musashi contre Hall 2. Ah ouais. Et donc en fait ils prennent les mêmes et ils recommencent. Je crois que c'était un autre combat, mais en fait ils ont carrément reporté le combat, quoi. Donc c'est pas un autre combattant pour Ian McCall. Donc bon, on verra bien. Hein. Ok mec. Bon, bah écoute Antoine, est-ce que t'as des choses à ajouter? Parce que t'as parlé plusieurs fois des liens, est-ce que tu veux redire le Twitter, parce qu'on l'a jamais dit, donc on peut le dire trois fois. Hein. Non, je pense que, enfin encore une fois, et on va dire pour la forme, on va redonner Twitter encore une fois, c'est @PSLT_podcast sur Twitter, et à partir de Twitter, vous avez tous les liens. Tu peux rappeler l'adresse email si jamais quelqu'un veut nous interpeller et qu'il n'a pas accès aux réseaux sociaux. Point sur la table @gmail.com. Point au pluriel. PONGSSURLATABLE @gmail.com. N'hésitez pas. En attendant, amusez-vous bien. Mettez plein de combats de MMA et d'autres sports de combat. Et puis on poste très fort à vous. Gros bisous. À bientôt. Salut.